podcast numéro 42. Bonsoir, je suis Grégoire et vous êtes donc dans le podcast qui va vous parler de news un peu divertissement et de news jeux vidéo, hein, principalement avec des débats autour de l'actualité qui est en cours dans ces deux grands domaines. Et je ne suis pas tout seul dans ce podcast, comme vous le doutez, hein, pour les habitués, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, on est là avec les quatre fantastiques ce soir, hein, j'ai envie de dire, c'est Julien, hein, que je reprends ta blague. Les Power Rangers de la podcast. Vous avez peut-être déjà donc reconnu Julien. Salut Julien. Salut à tous. On a peut-être déjà aussi entendu Stanislas qui est bonjour là pour ce podcast ce soir. He's salut Stan. Back again. Et toujours Dimitri, notre fidèle envoyé spécial à Metz, hein, ou pas loin. Salut Dim. Ouais, mais bon, il se passe pas grand chose à Metz, mais salut quoi. Salut tout le monde. Envoyé spécial pour rien. Pas de news, hein, du tout à Metz, hein, ça fait toujours plaisir. Il y a l'acteur qui joue Parker Lewis qui passe bientôt à Metz. Oh putain. Il y a du lourd. Breaking news dans le podcast. Mais pourquoi il passe à Metz? Il y a une nouvelle convention un peu geek et tout, et c'est un premier invité annoncé. J'irai peut-être. On pourra t'envoyer là-bas. Tu nous feras débrief de la convention. Je vous enverrai une petite photo que je mettrai sur le Twitter d'Upcast. Ça serait un honneur que Parker Lewis nous dédicasse un petit truc au nom d'Upcast. Honnêtement, je crois qu'on aurait atteint le but de ce podcast. Ah, puis ça fera un tweet depuis combien de temps on n'a pas fait de tweet? Ça fait un bon mois là qu'on n'a pas fait de tweet. Ça fait un à chaque numéro, écoute, il ne faut pas en faire trop. Du coup, vous l'avez entendu, on va parler pas mal de divertissement et de jeux vidéo dans ce podcast. On va peut-être certainement avoir une cinquième personne qui va nous rejoindre aussi dans ce podcast. Pour la première fois, on sera cinq, peut-être. Ouais, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas, hein, donc ça serait potentiellement Chatonpute, voilà. Elohim. Elohim, qui nous rejoindrait s'il le peut. On va voir si les obligations professionnelles et autres ne le retiennent pas trop longtemps. Parce qu'il est au Canada, faut dire, donc il y a un décalage. Il est au Canada, il y a un décalage horaire, on enregistre le soir, on est le 27 mars, voilà, vous savez tout. Et on verra donc s'il vient. On n'a pas trop de débrief à faire, il me semble, sur le précédent podcast. Il était très bon. Non, mais le truc, c'est que c'était il y a trois semaines quand même. C'était il y a trois semaines. Bah, moi, je l'ai écouté, il était très bon. C'est vrai, c'est gentil. Écoute, Stan, en tant qu'intervenant de podcast, on ne s'est pas trop cité. Tu sais que j'ai halluciné parce que là, c'est l'épisode 42. Ouais. Et j'écoutais tout à l'heure, en venant pour le podcast, j'écoutais After Eight. Ouais. Et ils fêtent leur un an et c'est le numéro 35. Okay. Je ne sais pas comment ils font. D'ailleurs, des semaines où ils font 4 épisodes, c'est possible. Mais nous, je te rappelle, il y a déjà pendant 2 à 3 mois, on enregistre. Il y a 52 semaines en une année, donc 35, ils sont juste réguliers. Ouais, mais ils en font pas toutes les semaines. Robotique, c'est un peu le mobile podcast avec 15 milliards. Podcast man. Non, mais nous, on a déjà. C'est la troisième année, nous. T'as trois mois, on n'enregistre pas, Julien. Ouais, c'est l'été, vrai. On n'a rien à dire. On a commencé en 2014, nous. On a commencé en 2014. Novembre 2014. Novembre 2014. Je suis plus tout à fait sûr. Je me disais, putain, ils sont déjà 35, on est un peu moins réguliers, donc on sait que vraiment, c'est les gens fidèles qui nous écoutent. On privilégie la qualité à la quantité. Sans vouloir dénigrer, bien sûr, ce que fait Camus Robotique. J'allais dire, mais la rareté fait la qualité. Ça doit être ça. Et on va tout de suite, avant qu'on commence. Julien. Un cadeau. Tout de suite, on appâte le chaland. Voilà. Alors, on appâte le chaland. Donc, on a un code à offrir pour Snipper Clips. Oh. Donc, Snipper Clips, on en avait parlé quand on avait parlé de la Switch. Déjà, au moment où on en avait parlé après l'événement au Grand Palais. Tout à fait. Snipper Clips, c'est un jeu indépendant qui a été racheté par Nintendo, qui est très sympa, qui joue à 2, à 3 ou à 4 ou tout seul, mais il faut quand même plutôt c'est y jouer. C'est un peu chiant tout seul. Tout seul, c'est un peu chiant, il faut mieux y jouer à plusieurs. Où on découpe des petits personnages de papier pour faire des formes, donc c'est vraiment très très drôle. Donc voilà, donc le premier qui met un message qui a une Switch, c'est sur Switch, donc il faut avoir une Switch. Voilà. C'est vrai que si vous voulez le récupérer pour pas avoir de. Si vous n'avez pas de Switch, c'est un peu. Ouais, c'est pas très. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, c'est pas très fair play pour ceux qui auraient une Switch. Donc juste la personne qui met « Je veux ce Snipper Clip sur Switch voilà. », envoyez-moi ce code. Alors là, c'est un code. Vous allez sur upcast.fr, sur le forum. Voilà, sur upcast.fr. After Eight, il faut peut-être plus des podcasts, mais ils n'ont pas des beaux concours comme ça. Nous, on a vraiment du concours. Alors, d'ailleurs, je précise que ce n'est pas... on ne nous a pas donné Snipper Clip, c'est ça. Moi, j'ai acheté des Joy-Con. C'est Nintendo France qui... on aimerait bien. Nous ne sommes pas encore achetés, donc en fait, c'est simplement que moi, j'avais acheté une autre paire de Joy-Con. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai acheté une paire de Joy-Con. Le seul qu'on a 4. Voilà, la modique somme de 89€. Et donc en fait, dedans, tu avais Snipper Clip offert, et moi, je l'avais déjà, et comme en fait, le pack avec Snipper Clip était au même prix que le pack sans. Donc forcément, je me suis dit, tiens, ça fait un bon cadeau pour le podcast. Eh bien, écoutez, direct, je pense que je vais essayer d'ajouter Elohim à cette conversation. On va voir si ça marche. Sinon, je couperai tout ça au montage. on va voir, tout. On écoute, on ne sait pas. Et puis, de toute façon, on va commencer tranquillement avec les news divertissement. We'll be right back. partie divertissement et on commence comme d'habitude avec finalement notre fameux débat internationalement connu et reconnu. Et comme presque souvent, j'ai envie de dire presque comme d'habitude, c'est Julien qui s'en charge. C'est Julien qui bosse pour nous parce qu'on est des grosses feignasses. Et donc, Julien, tu voulais nous proposer un débat sur quel thème finalement aujourd'hui ? Alors, en fait, je voulais poser une question à la fois naïve, innocente mais un peu perfide qui était la suivante. Je vais vous la poser. J'ai intitulé ça « Pourquoi veulent-ils refaire nos classiques ?» Donc, pourquoi je parlais de ça ? Parce qu'il y avait quand même de l'actualité qui s'est passée alors, sur les trois dernières semaines, avec notamment... Tu vois que t'es mort de rire, il y a des baillards. Je suis mort de rire parce que j'entends le chien à côté de chez Dimitri qui hurle à la mort. Donc voilà, c'est le petit du podcast. En tout cas, désolé les gars, c'est ça nous fait rire. Gros connard de voisin, le chien de merde, le fait gueuler. Si tu nous écoutes, gros connard de voisin, on te dit quand même bienvenue dans ce podcast, mais c'est sûr que tu nous gênes un peu. Allez, on va continuer sur le débat. Donc, faut-il refaire, pourquoi veulent-ils refaire nos classiques ? Oui, parce qu'il y avait eu quand même deux actualités importantes et ça fait suite aussi à d'autres films qui sont sortis déjà ou qui vont sortir, genre, on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu notamment l'annonce possible d'une suite à Gladiator. Effectivement. Alors parce que quand je dis refaire, ça peut être simplement réutiliser une licence, je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans qui sont passés. On a vu ça pour Trainspotting par exemple, où ils se sont dit tiens, si on faisait une suite à Trainspotting, ou alors carrément refaire un remake. L'idée c'est de voir pourquoi ils essaient de réutiliser ou de refaire un film, mais la petite particularité, parce que comme disait Stan tout à l'heure, on l'a déjà traité. Moi j'ai dit ça. Voilà, tu as dit. Casser l'ambiance. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on avait déjà fait une partie sur les remakes, reboots, mais vraiment côté industrie, côté studio. Et là en fait, quand je posais la question, je disais qu'elle était un peu naïve et un peu innocente, mais assez perfide, puisque finalement, on sait pourquoi ils le font, pour l'argent. Bien sûr. Il n'y a pas non plus. Ah bon ? Voilà. Et quand je dis argent, c'est pas, y a rien de mal à faire de l'argent dans une industrie, mais c'est simplement faire de l'argent facile, puisqu'on s'appuie sur le poids d'une œuvre culte, sur un terreau de fans. Voilà, forcément, c'est beaucoup plus facile quand on en avait déjà parlé à l'époque, même pour les séries. On disait pourquoi ils refont tout le temps ces vieilles séries, la fête à la maison. Non, parce que c'était plus facile, c'est plus facile de les vendre. Et voilà, on avait déjà fait le débat sur les remakes. On avait dit un peu manque d'idées, plus tellement de volonté de prise de risque parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et donc là, je voulais plutôt angler le débat du côté des fans qui voient toujours d'un mauvais œil dès qu'on touche ou retouche à des films fétiches, des films qui ont marqué. Alors pour notre génération, c'est surtout les films des années 80. On l'a vu par exemple avec Ghostbusters quand ils ont fait une sorte de reboot, mais un peu qui était féminin. Le reboot féminin, ouais. Voilà, ça a un peu gueulé. On sait que s'il y avait par exemple un Retour vers le futur, ça gueulerait. Mmh. Là, on a eu par exemple Matrix, il y a des rumeurs comme ça, on va en parler tout à l'heure, d'une annonce d'un reboot ou d'un spin-off. On ne sait pas trop quelle forme ça pourrait prendre. Donc voilà, à chaque fois, Blade Runner là, qui va bientôt arriver, Ghost in the Shell qui sort mercredi. Donc il y a plein d'exemples en fait de films où on va utiliser un matériau d'origine, on va jouer un peu sur le côté fan service. Et en même temps, les réactions à Matrix, je ne sais pas si vous avez vu un peu les réactions sur les différents forums, c'est hyper méfiant, hyper négatif. Non, il ne faut pas toucher à Matrix, c'est une œuvre culte machin, ça servira à rien, ça va forcément être complètement gâché. Voilà, donc juste pour faire quand même ancrer ça dans la news. Donc Gladiator 2, je sais pas si d'ailleurs Dim voulait pas en parler de Gladiator. Si, je voulais justement en parler sur une de mes news sur Ridley Scott, quoi. Où qu'il annonçait vouloir faire une suite à Gladiator. Je vais même trouver une citation de Ridley Scott où il disait « Je sais comment le faire revenir, j'en parlais justement au studio, mais il est mort, mais il y a un moyen de le faire revenir, je ne sais pas si on va le faire, Gladiator est sorti en 2000 ». Donc Russell Crowe a un peu changé depuis, il est occupé pour l'instant, mais j'essaye de l'attirer ici. Donc effectivement, Russell Crowe en plus, déjà il est mort dans la fin du 1, donc spoiler alerte pour ceux qui... Même pas qu'il me reste. Ouais, moi Dim, il fait un spoiler alerte après le spoiler. Après, merci. Je vous préviens, mais attention, ouais, mais... il est mort, spoiler. Pas mal, c'est original. C'est original. Le film a pratiquement 20 ans, tout le monde l'a vu, je pense. Donc... Non, mais c'est vrai que c'est original de vouloir faire un remake ou un. Je sais pas, du coup, une suite. Une suite avec un personnage mort qui, en plus, a visiblement sombré dans l'alcoolisme entre temps, je ne sais pas, pour expliquer comment il va revenir en aussi bonne santé, physique, en bonne chair, on va dire, Russell Crowe. Ça, c'est assez étrange, mais ça se figure bien dans le débat. Je pense que ça a dû. Je sais pas, j'ai pas trop vérifié sur les communautés de fans de Gladiator, je sais pas s'il en reste encore beaucoup. Je sais pas s'il y a une communauté. Il y a un gros fandom de Gladiator. J'aime beaucoup les films de Gladiator, personnellement. Non, mais pour, le coup, c'est quand même un film qui a marqué les gens. En plus, au-delà, à mon avis, d'un certain public, c'est un film qui avait. Je ne sais plus combien il avait généré d'argent. Mais à l'époque, il avait dépoussiéré le péplum. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un film qui avait été marquant pour la façon dont, comme tu dis, ouais, voilà, dépoussiérer le péplum, remis au goût du jour. Ouais. Et voilà, c'est quand même un film assez marquant. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon film. Hein, pas non plus. À revoir aujourd'hui, il est dur quand même, mais. Il est dur, c'est-à-dire qu'il est dur à revoir. Il est la vieille, quoi. Il a mal vieilli. Oui, il a mal vieilli, oui, pardon. Oui, c'est dur à revoir, ça faisait un peu du genre. C'est vraiment, ouais, tu vois. C'est pas facile. Putain, les gars. Il faut avoir le cœur à bien accroché. C'était pas ma guerre. Non, je trouve qu'il a mal vieilli, mais ça, c'est un point de vue. Et alors, donc, l'autre info, c'est sur Matrix, hein, puisque ça nous vient du Hollywood Reporter. Donc, selon eux, Warner réfléchirait à un reboot de la franchise. Donc, ça fait. Ce qui a fait réfléchir le studio, c'est bien sûr les 1,6 milliard de dollars qui ont été générés par les films des frères, je dis les frères à l'époque, hein, Wachowski. Donc, là, on parle de Zach Penn, hein, qui était sur Elektra Avengers au scénario. Ah, Dim, je crois que Dim a une news à ajouter ou quelque chose à ajouter. Ouais, c'est juste pour dire que je crois pas que ça soit un reboot. En fait, c'est un espèce de spin-off sur la jeunesse du personnage de Laurence Fishburne. Zut, j'ai oublié son nom, le personnage Morpheus. Ouais, alors c'est justement parce que alors peut-être que maintenant ils ont précisé, mais à l'époque ils disaient que soit ils feraient un spin-off où ils reprendraient des personnages de la série, soit ça serait un reboot. Donc on savait pas trop. Warner était un peu, alors peut-être que depuis ils ont précisé, hein, parce que la news date quand même pratiquement de 15 jours. Peut-être devant l'ampleur des fans, hein, aussi du mécontentement des fans, parce que quand tu as annoncé cette news, effectivement, quand il y a eu l'annonce d'un éventuel reboot de Matrix, c'est vrai que ça a été présenté comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, il y a eu une sorte de levée de bouclier sur les internets, hein, et ça a été assez dramatique, hein, parce que tout de suite les gens étaient effectivement dans les réactions que tu évoquais un peu plus tôt. Ouais, parce que si on parle d'un spin-off, pour le coup, là, il disait au casting, il y aurait peut-être Michael B. Jordan qui était dans Creed. Donc ah là, oui, ça peut faire sens. Et alors, Keanu Reeves, il dit qu'il serait partant si et seulement si les Wachowski sont de la partie. Et pour le coup, c'est loin d'être gagné, puisque en fait, les frères Wachowski, pour le coup, on ne peut pas vraiment les accuser d'avoir surfé sur la licence Matrix. Après, voilà, une fois qu'ils avaient fait. Bon, après, on peut critiquer l'épisode 2, l'épisode 3, mais bon, ils l'ont toujours prévu, selon eux, comme une trilogie. Mais en fait, Lana Wachowski avait commenté la mode des reboots il y a quelques temps. Donc, elle disait, moi je vais dire elle quand même, ils apprécient cela car c'est réconfortant, ça les fait se sentir à l'abri, et ce que nous attendons des films actuellement, un sentiment de sécurité, des histoires originales ne peuvent le fournir. Donc voilà, leur idée, d'ailleurs, leur filmo a bien montré, malgré tout ce qu'on peut penser de leur filmo post-Matrix, elle a bien montré qu'ils cherchaient quand même à aller sur des choses différentes, que ce soit pour Sense8, que ce soit pour Speed Racer, c'était après, Ascending, il y avait aussi Cloud Atlas, voilà, où ils ont fait quand même un truc assez différent, et ils sont pas, tu vois, je sais pas, Lucas, pendant des années, il a porté le fardeau de... Parce qu'il a bien voulu de Star Wars. Et eux, ils ont été vraiment à côté. Donc, ça m'étonnerait qu'ils reviennent pour faire un Matrix 4 ou un Matrix Reboot ou un Matrix Spin-Off. Il faudrait qu'elles soient très bien payées, du coup, maintenant, je pense, hein, les Wachowski. Ouais. Mais après... je pense qu'elles ne voudraient pas non plus. Quoique, après, voilà, à part Sense8. Ils ne sont pas motivés par l'argent, il me semble. Hein. Non, pas trop, non, c'est vrai. Cloud Atlas, ils l'ont autoproduit, avec de l'aide de financiers externes. Sense8, ils l'ont fait avec Netflix. Je ne pense pas que ce soit vraiment attiré par l'argent. Je ne sais pas. Et puis ils sont pas très bankable en fait, hein. Je pense qu'il y a aussi un truc comme ça. Je suis pas sûr que les studios les veuillent en fait diriger un reboot. Je pense que maintenant leur nom, finalement le nom de Matrix, il est beaucoup plus fort que le nom des Wachowski. Clairement. Donc finalement, que tu aurais Matrix sans les Wachowski, peut-être que ça se sentirait sur la qualité du film. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça veut aussi dire que le nom de Matrix est resté fort malgré, entre guillemets, les justement Matrix 2 et Matrix 3, donc Reloaded et Revolution, qui étaient quand même, on va dire, moins à la hauteur, en tout cas au niveau critique et au niveau public, ont eu un succès bien moindre que Matrix. Et puis Matrix aussi, moi je parle d'un point de vue artistique, ça me semblerait bizarre d'en reparler aujourd'hui ou de le refaire aujourd'hui, puisque le message est vraiment ancré dans une époque, je trouve. Ouais. Et je trouve que ça serait presque un peu dépassé de redire les mêmes messages ou de leur parler d'une autre façon. Pour évoluer, ça peut être intéressant de faire un reboot, c'est aussi peut-être une des questions que tu voulais mentionner, Julien, mais... Ça peut être intéressant de faire un reboot. Justement, l'époque a évolué. Ouais. Entre-temps, il y a eu la NSA, il y a eu le 11 septembre. Enfin, tu vois, il y a eu pas mal de choses qui ont fait changer la façon dont on voit la technologie aussi. Oui, mais aujourd'hui, de parler de l'intelligence artificielle qui dominerait l'homme et qui lui viendrait la servir, ça serait presque réchauffé, parce qu'on est en train d'en parler tout le temps. Ce thème-là, oui, mais ils peuvent faire un reboot d'une autre façon. Tu vois, je sais pas, hein, mais Julien, tu voulais dire... Non, je sais pas si quelqu'un, je sais pas si Dim ou Elohim voulait ajouter quelque chose. Oui, vas-y. Ça, je trouve que refaire effectivement l'histoire aujourd'hui perdrait l'originalité que ça avait à l'époque. C'était quand même il y a combien de temps maintenant, 17 ans, c'est ça? C'était 2000? Ouais, 99, je crois que c'était. Et même si c'est le thème en lui-même est intemporel, je pense qu'il faudrait complètement reprendre tout à la base, quoi. Faire un spin-off ou faire un préquel, je sais pas comment ça pourrait se positionner. Avec le téléphone de Keanu Reeves, déjà, il est déjà un spin. c'était hyper moderne. C'était le Nokia avec la paix, là, je sais pas les quoi. Les cabines aussi. Oui, voilà, tu vois. J'imagine qu'avec John Wick, Keanu Reeves est redevenu un peu bankable quelque part, mais, je sais pas si lui seul driverait les gens, quoi. Je sais pas. Après, c'est générationnel, quoi. Les remakes, ils les réutilisent aussi parce que ça fait revenir des gens qui ont pas connu ça à l'époque. Et qui ont envie de redécouvrir, ça. Et ça fait revenir des vieux qui l'ont découvert et qui sont curieux. Comme tu disais. Donc je sais pas, ça peut marcher ou se casser la gueule. Ça fait 18 ans, tu vois, nos neveux et nièces qui ont 20 ans qui vont au cinéma, ils les ont pas vus, les Matrix, quoi. Ils savent non, c'est ça, ouais. Mais après, je trouve le souci, justement, au niveau des remakes, c'est que, bon, des remakes, je pense qu'il y en a toujours eu au ciné. Oui. Mais avant, il y avait quand même plus d'espace au niveau du temps. Par exemple, on prend The Thing, c'est un remake d'un vieux film des années 50. Scarface, pareil, ouais. Il y a toujours eu à peu près 30 ans entre l'original et les remakes. Et là, je trouve que des remakes, on les fait de plus en plus tôt et on a encore trop les films d'origine en tête. Et je pense que aussi le public qui est visé, c'est ça qui fait qu'il y a une certaine méfiance, c'est que le public visé, en fait, c'est à la fois le même public, et, enfin celui qui a connu le film d'origine et celui qui peut être intéressé par le remake. C'est vrai. Et ça, je trouve que voilà, ça c'est vraiment un peu l'erreur des studios, je trouve, c'est de pas de laisser, on va dire, le temps de bien vieillir le film d'origine pour déjà le remaker, quoi. Ouais, je pense parce que bon, parce que Matrix, franchement, sauf, on va dire, tu prends les téléphones portables de l'époque, je trouve que le reste, ça n'a pas trop, trop vieilli, quoi. Non, ça a bien vieilli, plutôt. Ouais. Mais ouais, ce que tu dis, Dim, finalement, c'est un peu aussi le sujet du débat sur les fans. C'est-à-dire que quand tu disais, voilà, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu un grand écart impossible entre les fans de la première heure et le nouveau public que tu vas forcément vouloir viser. Parce que quand il y a 20 ans qui sont écoulés, bah, tu as un autre public que tu dois toucher. Et je pense, par exemple, moi, je me suis posé les questions. Donc, il y a quoi, finalement, de quoi le fan a peur quand on annonce un remake d'une œuvre culte ou prétendue culte? Après, on va pas faire ce débat-là. Et par exemple, tu as la possibilité de décorner l'image de l'œuvre originale. Bah, on le voit avec des remakes de Robocop, de Total Recall, de Terminator. Alors, est-ce que c'est, pour le coup, c'est pas forcément des remakes, mais c'est des suites. Pas mal de temps entre les deux premiers Terminator et après quand on a fait des suites et encore des suites. Et voilà, il y a cette idée que finalement, t'accouches d'un film un peu bâtard qui doit faire des clins d'œil au film original et en même temps qui doit séduire, donc qui doit s'adapter à l'évolution du cinéma. Donc par exemple là, le cinéma d'action, c'est-à-dire Matrix, ça a été une époque dans le cinéma d'action. Et voilà, finalement, t'es un peu le cul entre deux chaises. Vouloir finalement, s'ils ont envie de le faire, parce que peut-être que les studios s'en foutent de l'œuvre originale et ça arrive parfois, mais je pense que c'est quelque chose de difficile et c'est là où les fans sont hyper. Je pense que tu es forcément négatif de base quand tu es amoureux d'un film. Bah c'est ça, mais en fait, t'as aussi peur, effectivement, non seulement que ça écorne l'image, entre guillemets, l'image juste de ton film auquel tu es attaché, mais t'as aussi peur que ça écorne même l'histoire quelque part de ce qui. Parce que parfois, les remakes ou les reboots ou les suites, puisque là on parle de façon très large, on va dire la façon dont les studios se réapproprient un film pour en faire une suite ou un reboot, parfois viennent écorner le film originel, c'est-à-dire que par exemple Star Wars, la fameuse histoire des midi-chloriens, tu vois, c'est un peu un exemple simple, mais où tu te dis la force à la base on savait pas ce que c'était, et puis finalement ils cherchent une autre explication, et il y a plein de gens qui ont été déçus par ce truc là parce que ils trouvaient ça parfait finalement de pas savoir ce que c'était que la force, et il y avait un concept philosophique avec ça, et le mettre avec un autre mot et pouvoir le quantifier, ça a déçu beaucoup de gens. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, hein. Dans Matrix, ils pourraient très bien faire un autre truc en nous ressortant une autre explication, et on serait tellement déçus, alors que justement la fin de Matrix, elle est très ouverte, elle est même assez peu compréhensible, hein, si on va sur la fin de Matrix Révolution, elle est libre d'interprétation, on va dire. Et du coup, s'ils nous font une suite où finalement on est très clairement dans une interprétation où oui, la Matrix a été rebootée et finalement il y a un autre élu qui arrive, etc., du coup, la trilogie, tu la verras d'une façon où elle est finalement très plate, quoi. Beaucoup plus plate que ce qu'elle était. Pareil, là, pour coller à l'actualité, on vient d'apprendre qu'il y a un remake de New York 97, le film de John Carpenter, qui sera réalisé par Robert Rodriguez. Et bon, Robert Rodriguez, ces derniers temps, il est quand même bien, bien perdu. Hein. Ces derniers temps, depuis qu'il a réalisé son premier film. Machete, c'était pas mal. Il y a quelques années, Machete, c'était pas mal. Encore pas trop mal, voilà. Mais bon, voilà, je pense que, on va dire, tout ce qui faisait l'essence du film d'origine, là, à mon avis, ça va être complètement flingué, ça va être un desperado futuriste et basta. Hein. Enfin, je pense, hein, j'espère avoir tort, mais... Bah, je mettrai sur le site, hein, vous allez voir sur upcast.fr, j'ai une liste de 116 films qui sont actuellement en projet, qui sont des remakes. On en avait parlé d'ailleurs. Il y a tous les Disney dedans aussi qui font partie des. C'est des remakes finalement live des animés. Quoi. Ouais, puis alors, vu le succès, ils ont, ça, ils ont un planning dingue. Quoi. Si tu regardes jusqu'en 2025, ouais. Ils ont des fairy tales Disney chaque année. Quoi, c'est dingue. Ouais. Et comme ça marche bien en plus. Ça marche bien. Vu le carton là, de La Belle et la Bête. Ouais. Ouais, vas-y, ouais. Mais c'est à ça aussi que je voulais en venir, c'est qu'il y a un côté où il y a un peu une hypocrisie du fan, entre guillemets, ou du public en général, c'est que tout le monde gueule quand un remake est annoncé, mais tout le monde va le voir finalement. Ouais. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. Enfin, et puis il y a un côté aussi où souvent on crie facilement à la nostalgie, et la nostalgie, eh ben, elle a ces deux faces-là, elle a le côté ah ben c'était mieux avant, mais quand même j'ai quand même envie de continuer à le voir, quoi. Tu vois, donc. Ouais, t'as une espèce de curiosité malsaine, tu vois, de voir un peu ce qu'ils ont fait de ton film fétiche. Toi, je pense par exemple, je joue pas au nom de Greg, mais par exemple, Retour à le futur, c'est un. Enfin, on adore Retour à le futur. Oui. Et tu vois, moi, s'ils annonçaient ce qui pourra peut-être arriver un jour de notre vivant, je pense. Non, pas du vivant du réalisateur, en tout cas. Zemeckis, il a les droits. Ouais, mais bon, il a les droits, Zemeckis. Ouais, il a dit que de son vivant, il y aurait c'est pas. C'est pour ça qu'il y a si peu finalement de produits dérivés. Exactement. J'ai l'impression. Bon, ça c'est bien, mais imagine un jour, il y a un remake, il passe sous une voiture. Non mais d'un producteur de studio. Pas de chance. Il est renversé par une voiture, un accident tragique, complètement inattendu. Non mais ouais, tu te dis, moi, j'aurais tout de suite un a priori négatif. Ah putain, ouais. Tu vois, tu te dis, mais tu vois, et c'est ça, je trouve qu'il y a un nom de Zeus, ça. Non, mais t'as l'impression que ça pourra jamais être aussi bien qu'il y a une espèce d'image comme ça d'Épinal du film figé pour l'éternité. Ouais, c'est sûr. Et voilà, quand tu. Lui me parlait finalement aussi de l'hypocrisie du public, il y a aussi une espèce comme ça de rejet basique du fan. Mais ça, c'est venu. Il a raison aussi, Dim, quand il disait que c'est venu aussi après, parce que, effectivement, quand tu vois The Thing à la base, t'es pas en train de rejeter le film parce que tu te dis, il y a eu un film dans les années 40, je veux pas le voir celui-là. Enfin, tu vois, et finalement, on a évolué parce que aussi la tendance, elle s'est accélérée. Il a raison là-dessus. Oui. Et puis aussi, c'est devenu aussi c'est très ancré dans la pop culture. Tu vois, c'est un truc, refaire des choses, tu vois, l'espèce de culte que tu peux vouer à une œuvre, elle est très ancrée dans les années, tu vois, 80, je pense que c'était peut-être moins le cas quand, par exemple, Brian De Palma refait Scarface à partir de l'œuvre de Hawks. En plus, ils s'en éloignent beaucoup, donc c'est peut-être un peu différent, les films sont moins ancrés dans l'imaginaire des gens, alors que maintenant, tu as la possibilité de les revoir des dizaines et des dizaines de fois. Il y a finalement, la technologie a permis la répétition de la vision d'un film qui change complètement le rapport que tu peux avoir avec le film. La télévision aussi a changé le rapport que tu pouvais avoir avec. Chose aussi, pardon, je rebondis sur ce qui nous embête dans les reboots ou remakes, c'est peut-être que le fait que ça soit annoncé par des producteurs et pas par un réalisateur qui veut y mettre sa patte. Ouais, tu vois, ouais. C'est vrai. Quand tu dis que Brian De Palma refait Scarface, on se dit, ouais, c'est Brian De Palma, enfin peut-être pas à l'époque, mais voilà, on se dit, il a une vision, c'est un réalisateur qui sait ce qu'il veut ou il va dire quelque chose de différent ou apporter quelque chose au message à l'origine. Si je me dis, si Matrix, Fincher dit, je vais faire un nouveau Matrix. Non, si tu, si tu dis un grand réalisateur. Brian Fincher dit, moi je vais faire le remake de Matrix. Je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'il va nous faire, ça va être génial. Ouais, un peu comme quand il a fait The Girl with the Dragon Tattoo, quoi. Voilà, exactement, Millennium. Ouais. Donc, qui n'était pas si génial. C'est pour ça que Blade Runner est attendu avec autant de méfiance que finalement que d'envie, quoi. Ouais. Parce que le réalisateur est respecté maintenant. Ouais. Mais Robocop, on a bien vu ce que ça donnait. Ça a été fait par un Yes Man, je suis même plus qui. Et le remake était vraiment pas terrible, quoi. Ça perdait toute sa substance. Ouais, ou alors t'as le truc, tu sais, le Terminator où James Cameron te dit, ouais, c'est mon Terminator préféré de sur la fiche. Sur la fiche. Sur la fiche. Le meilleur film de braquage de Pete, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est tout le temps. Mais là, tu sais que c'est James Cameron, donc tu te dis, merde, c'est un peu la caution, mais ça marche plus là. Ça marche plus là. Quand il y a une citation de Tarantino sur la fiche, en général, tu peux te dire qu'il a vu le film à 3h du matin, il a dit un truc qui a été enregistré. C'est que c'est un film série B ou série Z. Ouais, ou alors t'as par maintenant c'est ils vont loin, parce que maintenant c'est par le producteur exécutif, tu vois, le mec genre c'est juste lui, je sais pas trop ce qu'il a fait. Il par est le passé producteur dans un couloir. Ouais, voilà, par le producteur par le chéquier de mais attendez, sur les affiches maintenant il y a même des fois juste c'est même pas des citations de gens connus, c'est des tweets, quoi. Ah oui, oui, ça c'est l'horreur. Alors là ou c'est des trucs de Allociné, notre partenaire, hein. Ouais, des notre trucs partenaire Allociné, ils ont la note facile, hein. Jacqueline du 92 a donné 5 étoiles à ce film. Ah, bah j'ai envie de le voir. En plus c'est souvent, tu sais, des citations avec des trucs un peu comme les gens parlent. Ouais, tu vois, vrai. C'est un film trop cool, on a vraiment pleuré ça avec ma mère. Ça m'a fait chier. Du coup, est-ce que tu avais fini sur ton débat? Non, parce qu'il y a aussi, là c'était Elohim en parlait, la méfiance qu'on peut avoir des vis-à-vis des studios, forcément ils sont un peu, souvent très peu respectueux des créateurs originaux. Alors on le verra là peut-être avec le Carpenter, ce que ça va donner. Ouais. Bon, Rodriguez en théorie, voilà, le problème de Rodriguez c'est pas forcément son manque de respect par rapport à l'œuvre originale, c'est plutôt son talent en tant que metteur en scène, je dirais. Tu vois, c'est pas un grand metteur en scène, Robert Rodriguez, et c'est peut-être là où le bas va plus blesser que, à mon avis, il est peut-être très sincère dans sa volonté de refaire le matériau de Carpenter, et c'est sans doute un fan de Carpenter, mais voilà, tu peux te dire aussi que parfois il y a le talent qui peut limiter la vision. Et aussi un autre élément sur les fans, c'est maintenant l'impact des réseaux sociaux. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une caisse de résonance qui est énorme. Enfin, les forums, les réseaux sociaux, le net finalement. À un moment donné, t'as déjà une pétition pour faire interdire Matrix. T'as une pétition pour pas que cet acteur-là joue le rôle qui était. Tu vois, je pense que maintenant ça prend une telle ampleur. C'est vrai. Alors je sais pas si les studios les écoutent. C'est un truc puisque finalement on sait que les studios ils sont quand même à l'écoute de plein de choses quand ça concerne le public. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font, il y a des tests, il y a des choses comme ça. Donc tu te dis finalement, est-ce que ça n'a pas aussi un impact sur la façon dont ils décident de faire ou de refaire un film? Je pense qu'ils surveillent quand même. Hein. Je pense que quand ils lancent une idée d'un éventuel truc, tu vois, ils le disent à 2-3 reporters, c'est balancé sur quelques sites. Ils regardent comment la twittosphère réagit et à mon avis, ça peut décider de certains projets s'ils se font ou pas, hein, concrètement, à un stade très avancé. Hein. Je ne dis pas qu'ils battent tout là-dessus, mais c'est une sorte d'étude de marché, tu vois, qu'ils regardent si le public réagit ou pas. Comme tu dis, ils lancent des hameçons, enfin des. Ouais, c'est ça. Et ils voient que ça mord, mais à mon avis, Bad Buzz, ils s'en foutent. C'est Buzz qu'ils veulent. Ouais, oui, c'est ça le problème soit... aussi. Je pense qu'ils s'en foutent que les gens crachent. Si t'as 100 000 personnes qui disent on veut pas voir la suite de Matrix, ils se disent putain, il y a 100 000 personnes. Il y a hashtag Matrix voilà. À 100 000 retweets. Exactement. Et ils se disent on va le faire, justement. Ouais. Je me dis que ça peut être comme ça. Hein. Et alors, la question un peu finale, c'est est-ce que vous connaissez des remakes ou reboots qui sont au moins aussi bien ou qui sont regardables ou qui ne trahissent pas l'original, voire qui sont meilleurs que leur original? Alors après, il y a peut-être... On aurait dû préparer. On en parlait tout à l'heure avec Dim, il y a des vieux remakes, hein, je pense à Scarface maintenant, où pratiquement c'est deux films différents. Tu vois, il y a une espèce de ligne parallèle qui s'est créée entre... Parce que Scarface est devenu culte, on parle beaucoup moins de l'œuvre originale. Il y a des films comme ça... C'est une bonne question, on va réfléchir. Non, je sais pas si... Après une page de pub. On va faire une petite coupure montage pendant qu'on réfléchit. Non, mais il y a aussi, il y en a quand même. Il y a, par exemple, pareil, c'est que des vieux remakes, mais la mouche de Cronenberg. Oui. Il y a aussi, par exemple, je trouve le Massacre à la tronçonneuse qui était sorti dans les années 2000, le premier, était quand même plutôt bien réalisé, quoi. Ils veulent le refaire, d'ailleurs, la mouche, encore une fois. Hein. Ils veulent le ré-remaker, là, encore. Hein. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais, ouais. Il y a Zack Snyder qui avait fait aussi le remake d'un film de Romero. De zombies. Des morts-vivants, je crois. C'était intéressant, on va dire. C'était pas total ratage. Moi, j'avais pris du non, plaisir. Non, pas total ratage. Ça perdait un peu de son essence. T'as aussi Alexandre Aja qui avait fait La colline des yeux. Exactement, c'est vrai. Qui était pas mal. Qui était pour le coup pas mal. Mais tu sais que je crois qu'à l'époque, on a fait le débat sur les studios. On avait dit, ouais, est-ce qu'il y a des remakes? On a posé la même question. On avait dit, ouais, on sait pas trop. Et plein de gens nous avaient mis des listes. Non, mais hyper évidentes de films de remake. Je pense que la personne qui avait mis ça avait encore pesté si elle écoute encore en disant attends, bah, j'avais mis une liste de plus de je sais pas 50 films où les remakes étaient. C'est connard, ils lisent pas leurs commentaires. Je me rappelle, et la liste, c'est vrai qu'elle était. Elle était assez, pour le oui, coup. Oui, mais ça me dit quelque chose. Moi, elle était assez impressionnante, la liste de films. Et à la limite, parfois, tu t'oubliais vraiment que c'était presque un remake. Il faudrait que je retrouve dans quel épisode on avait fait ça, mais je suis en train de regarder sur le site en même temps. Mais c'est lamentable, c'est nul. On est désolé, on s'en souvient pas, mais cette personne, on s'en excuse, on recherchera entre autres. Moi, je me rappelle, je crois que c'est un remake de. Enfin, pour le coup, c'est un copier-coller de Gus Van Sant qui a refait Psycho. Ouais, Psycho, ouais. Mmh. Ouais, c'est marrant, cette idée du remake. Ouais, c'est plus. C'est un hommage. Je sais plus comment il avait expliqué ça, mais c'est un hommage, ouais. J'avais été le voir. Ça. Mais c'est juste pour questionner le rapport que tu as avec l'œuvre originale. Et voir ce que ça fait de la faire de la même manière, mais aujourd'hui. Avec des autres acteurs aussi, quand même. Oui, précisément, juste. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter ou si vous avez, par exemple, d'autres exemples qui vous seraient venus en tête. Si on en a d'autres, on te dira. Non, mais c'est intéressant. De toute façon, toutes les semaines, il y a toujours des nouvelles annonces de remake ou reboot. Donc voilà, je pense qu'on sera amené à quand même en reparler, un de ces quatre. Oui. Après la rubrique trailer, on pourrait faire la rubrique reboot. Dans les trailers, il y a souvent des reboots. On va en reparler tout à l'heure. Reboot de série pour le coup. Et d'ailleurs, je trouve sur les films, pour le coup, les films live de Disney, je trouve que c'est un peu différent l'idée de remake parce que c'est pareil, c'est une réappropriation. Une réappropriation. Là, je vois pour La Belle et la Bête, t'as des plans qui sont un peu copier-coller, mais c'est assez différent quand même. Ouais. Même si le remake de Dumbo, il me fait un peu peur quand même. J'avoue que je suis curieux de voir ça. Je suis très curieux de voir l'éléphant. Qui va jouer l'éléphant? C'est ça, qui va jouer l'éléphant. J'ai quelques noms à proposer. Je continuerai un peu. C'est dans le même sujet. Je continue avec ma news suivante. C'est un peu dans la même logique, mais en même temps pas tellement, à vous de voir. Hein. C'est la façon dont les studios se réapproprient des films. Et là, c'est un cas un peu particulier dont on avait déjà parlé il y a quelques temps. Hein. Donc voilà, mais ça se précise en ce moment puisque c'est Netflix qui a acquis les droits du dernier film inachevé d'Orson Welles, hein, The Other Side of the Wind, et qui sera du coup terminé. Netflix va terminer le film d'Orson Welles, hein, en respectant les consignes du cinéaste disparu en 1985, ont-ils déclaré. On espère que c'est vrai, on verra. Donc voilà, hein, c'était en avril 2016 qu'ils avaient acheté les droits de ce film inachevé d'Orson Welles pour 5 millions de dollars. Et donc voilà, bah, quelques mois plus tard, ça y est, donc c'est terminé. On ne sait pas quand ça sera fait, on ne saura pas sous quel montant ils l'ont acheté exactement. Mais en tout cas, ça y est, c'est officiel. The Other Side of the Wind sera monté et finalisé sous la supervision quand même d'un de ses producteurs historiques, hein, Frank Marshall. Donc voilà, et avec l'aide du producteur polonais Philippe Jan Rimsba, je ne sais pas si je le prononce bien. Il y aura également un consultant sur le projet de Peter Bogdanovich, qui sera consultant sur le projet, hein, qui était le confident d'Orson Welles et qui était acteur dans le film. Hein, donc voilà, il est plutôt bien placé, on va dire, pour savoir un petit peu quelle était l'ambition d'Orson Welles à l'époque. Sachant que The Other Side of the Wind, c'est à la base un film qui a été tourné entre 1970 et 1976, et un film qui n'a pas été terminé, hein, comme je le disais, par Orson Welles. Donc voilà, hein, qui a eu de nombreux problèmes sur ce film, notamment des problèmes financiers, hein, qui ont empêché la réalisation de ce projet à son bout. Et du coup, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte le portrait d'un réalisateur en perte de vitesse qui va tenter de faire un comeback qui ne marchera pas. Hein. Donc voilà, c'est John Huston qui incarne le personnage principal. Et tout ça, c'est un peu une autobiographie, en fait, hein, à peine déguisée, d'Orson Welles, qui est entouré de d'autres cinéastes qui sont plus ou moins dans leur propre rôle en plus. Hein. Donc on pourra revoir à l'écran cette fois-ci Claude Chabrol, par exemple, ou Dennis Hopper à l'écran, qui joueront plus ou moins leur propre rôle dans leur vraie vie. Et voilà, et du coup, il avait fait un livre, Orson Welles, avec Peter Bogdanovich, un livre, on va dire, autobiographique, dans lequel il décrivait un petit peu ce à quoi devait ressembler The Other Side of the Wind, et ils vont se baser sur ce travail pour le faire. Donc là, on voit que c'est quand même un petit peu dans le sujet dont tu nous parlais, Julien, mais on s'éloigne quand même. Ouais, ça va encore un peu plus loin. Ouais, hein, cette fois-ci, le studio finit le film à la place du réalisateur, un film autobiographique fini par quelqu'un d'autre. Ils osent, hein, ça va loin. Donc voilà, on a eu les séries, les documentaires sur Netflix, on a eu l'animation, on a eu les pseudo-films de prestige, et donc maintenant, parce qu'on on l'a dit, hein, Scorsese est annoncé notamment chez Netflix, et donc maintenant, bah, on a le cinéma de patrimoine, on va dire, qui est repris en main par Netflix, hein, qui a vraiment envie de dévorer tout ce qui se fait dans le cinéma. Donc eux, bah, ils sont quand même très positifs, hein, bien sûr, on évoque un rêve qui devient réalité, hein, du côté de Netflix et du côté des gens qui sont impliqués. Voilà, ils sont contents d'offrir au monde ce travail inachevé de Welles, je cite, hein, en respectant ses intentions artistiques. C'est une source, je cite toujours, une source de fierté pour Netflix et pour moi-même, hein, c'est Ted Sarandos qui dit ça. Voilà, donc on n'a pas de date. Moi, ça m'a laissé quand même assez perplexe. Je me suis dit que c'était un peu lié d'une façon ou d'une autre à ton sujet des studios qui veulent absolument finalement exploiter un nom connu, et là, en l'occurrence, un nom connu et un projet inachevé pour aller plus loin. C'est un film autobiographique. Alors, j'ai peut-être pas tout compris. Ils vont le terminer comment avec, parce que c'est... Avec les montages de l'époque, avec tout ce qui a été filmé à l'époque, ils vont pas retourner des scènes. Ils ont énormément de rush, hein, comme tu t'en doutes, filmé pendant 6 ans, donc ils ont énormément de rush, et il y avait l'intention avait été décrite par Orson Welles à Peter Bogdanovich, et donc Peter Bogdanovich, en tant que consultant, va aider à finir le film dans la vision prétendue du maître. Ce qui me pose problème, c'est qu'une vision, ça peut bouger, en fait. Donc là, c'est une vision arrêtée, juste forcément avec sa mort. Exactement. Après, ça a l'air d'être fait avec des gens qui le connaissaient. C'était des gens impliqués, mais le problème, c'est qu'en plus, le projet en lui-même est un projet particulièrement complexe, puisque c'est, quand il décrit le film, je ne vous lis pas la citation entière parce qu'elle est longue, mais on est en gros sur des bruits qui sont en surcouche d'autres bruits, avec des voix off qui se parlent les unes les autres, qui se répondent sans qu'on les voit forcément à l'écran. Enfin, ça a l'air d'être un projet quand même assez complexe, un film un petit peu torturé. Et je suis pas certain que ça va être aussi simple que ça de refaire un petit peu, finalement, d'honorer ce que vous avez Orson Welles en tête. C'est un petit peu, ça rappelle un petit peu peut-être Eyes Wide Shut. Hein. On se souvient de ce film qui était théoriquement terminé par Kubrick, qui avait été fini quand même au montage sans la vision de Kubrick. Ouais. Et pourtant, Kubrick était très impliqué dans ses montages. Mais il a été fini sans lui. Et bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, Eyes Wide Shut. On verra pour The Other Side of the Wind. Ça vaut beaucoup, Eyes Wide Shut. On verra. Je suis pas tout à fait d'accord, mais ça, c'est chacun son avis. Du coup, je vais repasser la parole à Dee, mais on va continuer sur ce sujet des suites, hein, je crois, avec Ridley Scott. On en a un petit peu parlé. Ouais, donc on n'arrête plus Ridley Scott, hein, qui a pourtant 79 ans, le pépère, mais il a pourtant des projets pour au moins 20 ans. Il semble être attaché à ses plus glorieuses licences, hein, comme on a pu voir avec Gladiator 2, où on a aussi évoqué à la suite de Blade Runner, il a la production. Mais il ne s'arrête pas là, car son prochain film, Alien Covenant, qui sort dans 2 mois, aura le droit non pas à une suite, ni 2 suites, mais bien à 3 suites. Il a même annoncé le titre de la première, Alien Awakening, qui devrait se situer entre Prometheus et Alien Covenant. C'est bien, avec tout ça, je pense que le grand public ne sera pas du tout paumé. C'est clair, je comprends déjà plus rien. Hein. Entre parenthèses, hein, sur mes notes, j'ai marqué ironie, lol. on sait jamais qu'on n'ait pas compris. Voilà, et c'est pas fini, car les films suivants se placeront après le tout premier film Alien. Donc, je dois bien avouer que je comprends absolument pas la stratégie de la Fox. Ils vont vraiment réussir à flinguer la licence, j'ai l'impression. Pourtant, je suis quand même un défenseur de Prometheus. Donc, il a des défauts, c'est clair, mais au moins, il essaie d'apporter une nouvelle vision à la licence. Je dirais même que depuis le début de la saga, chaque film était différent les uns des autres. Là, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute à Covenant, mais j'ai l'impression qu'on va se taper un remake du 1. Donc, si tous les 2 ans, on a à peu près le même film, je vois pas trop l'intérêt. Pour Covenant, j'ai plus envie de découvrir, on va dire, toutes les questions à laisser en suspens de Prometheus. Alors, j'espère que le trailer de Covenant est trompeur, qui nous laisse imaginer un nouveau Alien 1, mais pour appâter le chaland, alors qu'en fait, ça sera une vraie suite digne de ce nom à Prometheus. Donc, je vois bien aussi les mauvaises langues et les gens qui me connaissent bien me dire « Ouais, mais avec Star Wars 7, c'est pareil ». Alors, ok, ça ressemble beaucoup aux anciens Star Wars 7. On n'a même pas le temps de t'accuser, merde. Mais voilà, Star Wars 7, ça apporte aussi beaucoup d'éléments nouveaux, surtout qu'on s'intéresse à l'univers étendu. Non, mais Dim, t'es en train de faire une news sur Star Wars, là, solo. Non. ça fait longtemps que j'avais pas fait un point Star Wars. Mais bon, en tout cas, pour revenir sur Alien Covenant, je me demande bien ce qui va apporter de neuf à la franchise. Et comme je le disais, j'espère vraiment me tromper, mais voilà, ça me fait quand même bien peur tout ça, quoi, toutes ces suites d'Alien. Alors là, moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'avoue que là, en plus, quand tu parles de suites qui sont en fait avant le premier, mais entre les deux, machin, putain, il part dans un truc là, on va plus rien comprendre. Pas sûr que ça soit une très bonne idée tout ça, parce qu'il va vite nous gaver avec ses aliens. Déjà que Prometheus, personnellement, je suis pas autant en train de la défendre que toi, hein. J'avais trouvé que c'était complètement naze, donc bon, voilà, on verra pour la suite, hein. Mais visiblement il a très très envie, hein, Ridley Scott, puisque tu nous disais aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure, Gladiator 2 potentiellement sur les routes, hein, sur les rails aussi, hein. Sur les routes, vraiment, les week-ends, voilà, c'est compliqué. Alors Hugh Jackman, Julien, ouais. Je te laisse la parole pour la suite. Hugh Jackman, qu'est-ce qu'il fait? Bah, en fait, il y a une rumeur selon le site Deadline comme quoi Hugh Jackman pourrait incarner Enzo Ferrari, tu parlais de route de... c'est voilà. Pour ça, c'était la transition, Dans un biopic qui est signé Michael Mann, hein, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette news, hein. Hugh Jackman en soi on s'en fout un peu, mais dépend. Michael Mann un peu moins, puisque en fait ça fait suite à la défection de Christian Bale, qui devait incarner donc Enzo Ferrari. Donc le film est basé sur le livre d'un journaliste automobile qui s'appelle Brock Yates, hein, je le cite juste pour ceux, il y a peut-être un fan d'automobile qui le connaît. Voilà, il va dire, ah, c'était Brock Yates, il fallait le citer, donc je préfère le citer, et qui s'appelle donc Enzo Ferrari, The Man, The Car, The Races. Oh. Ouais, je trouve c'est quand même un super titre. Moi, je tiens à défendre quand même Hugh Jackman, qui était très bon dans le dernier Logan. Ah, il paraît. Et que c'est quand il veut, je trouve, franchement... Non, non, mais je ne l'attaquais pas en plus. Il peut super bien jouer. Je disais juste que c'était plus intéressant de parler de Michael Mann que de Hugh Jackman, mais on peut aussi défendre Hugh Jackman, il n'y a pas de souci. Donc en fait, c'est un projet qui est vieux de 17 ans et qui est né de la collaboration entre Mann et Sidney Pollack. Donc le tournage est prévu cet été, donc avec normalement Hugh Jackman, hein, ce qui fera plaisir à Dim, on a compris, et avec Noomi Rapace, qui fera plaisir, je crois, à Greg. Ça, je prends. Voilà. Enfin, pour jouer donc la femme d'Enzo Ferrari, Linda. Eh ben écoute, c'est cet été, tu dis. Il se tournage cet été. Ouais, donc on l'aura en 2018. Voilà. Donc voilà, est-ce que c'est un truc qui vous hype? Donc moi, je suis à la base Enzo Ferrari, non, mais Michael Mann plus. Michael Mann, pourquoi pas, mais c'est Hugh vrai Jackman. Hugh Jackman, oui, faut voir ce qu'il peut donner. Effectivement, dans Logan, il était pas mauvais, mais. Ouais, ça va être du biopic bas de gamme. Après, ouais, je connais pas trop Enzo Ferrari, j'avoue. Je sais pas trop ce qu'il fait. Alors, il a déjà. Non, mais il a déjà. Mann a déjà fait des biopics. Il y avait le biopic de Ali. Bon, Public Enemy, c'était quelque part un biopic aussi. C'était pas génial. Ali, c'était plutôt pas mal, mais voilà, bon, c'est quand même un réalisateur, même si on va dire que pas qu'il en perde de vitesse, mais il est un peu perdu, je pense. Michael Mann, peut-être. Je sais pas trop, enfin, Il fait pas des mauvais films, mais voilà, il a un peu mal à retrouver un peu, je sais pas, le mojo qu'il avait dans les années 90. 90, ouais. Ouais, même moi, je trouve par exemple que Miami Vice est un film assez génial. Ouais. Voilà, on pourrait avoir ce débat. Je l'ai pas encore vu. Il faudra avoir un débat sur Miami Vice. Je crois qu'Yao est pas fan non plus. Ah ouais, si je me souviens bien, je me moque de toi à cause de ça. Par exemple, moi, je préfère revoir Miami Vice que Heat. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. Bon, bah écoutez, dans les commentaires, lâchez-vous sur upcast.fr, hein, lâchez Julien. On fera un conseil Miami Vice encore. Je m'engage Miami à revoir le film pour le. Moi, j'adore ce film. Et je continue, je reprends la parole après Julien sur une autre news sur le cinéma français cette fois-ci. Quelle transition, n'est-ce pas ? Tu me fais une sorte d'accent marseillais. Je sais pas, écoute, je me suis lancé, c'est comme ça. Là, je amateur de Batavia C'est parce que je parle de notre cinéma national, je suis ému parce que son état est à ma foi apparemment désastreux, en tout cas aux États-Unis, hein. c'est ce qui est ressorti entre nos deux podcasts. En tout cas, il y a une tribune, hein, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui est parue dans The New Yorker, donc pas n'importe quoi, de Richard Brody, qui est le critique cinéma de The New Yorker, qui est assez connu aux États-Unis et qui s'en est pris assez violemment au cinéma français et surtout à son manque d'innovation dans le cinéma français. Alors, il s'est appuyé sur un documentaire, le documentaire de Claire Simon, Le Concours. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sorti en février. On a entendu parler sur la FEMIS. Comment ? Oui, c'est ça, exactement. Donc, voilà, sur lequel il a apparemment réagi à ce documentaire et il a souligné les failles de l'enseignement du 7e art en France. Je vais citer pas mal un petit peu ce qu'il dit, hein, mais en gros, voilà, lui, c'est un adorateur de la nouvelle vague. Hein, il a fait d'ailleurs une biographie sur Jean-Luc Godard et il dit carrément, il met les pieds dans le plat, il dit que la France n'a produit aucun cinéaste d'importance depuis 30 ans. Alors, d'accord ou pas, on verra, hein, mais voilà, il dit pour le moment, impossible de ne pas noter que le cinéma français n'a produit aucun cinéaste d'importance historique depuis 30 ans. Il continue également à s'attaquer au formatage académique des écoles de cinéma françaises qui, selon lui, restreindrait l'audace des jeunes cinéastes. Hein, justement, on l'a dit, la FEMIS, hein, qui était au cœur du sujet de Claire Simon, Le Concours, et qui lui a inspiré cette tribune. Voilà, donc lui, il dit, plutôt que d'éduquer les élèves à casser les règles, l'école a formé promotion après promotion des étudiants reconnaissants et obéissants, glissant les histoires de leur vie et de leur temps dans un package de formes préexistantes, écrasant leur inspiration selon les normes de l'industrie, mais peut-être ont-ils été pris dans cette école en fonction de leur aptitude à adopter ce comportement. Donc il est assez violent quand même auprès des écoles de la FEMIS qui en gros sont plus que des moutons bons à reprendre les codes du cinéma français. Il développe ensuite sa conception de la créativité. Pour lui, qu'est-ce que c'est que la créativité ? Pour ce fameux Richard Brody, critique de cinéma de son état, l'aptitude à renouveler des formes, l'inventivité, mais aussi l'aptitude à inventer des modèles économiques pour ne pas brider cette créativité. Dans ses choix de critique exprimés tout au long de l'année, Brody défend justement le cinéma, lui, plutôt indépendant, qui, selon lui, est plutôt confortablement produit, hein, au sens où il a de l'argent, en gros, contrairement au cinéma français, qui est complètement sous perfusion du système public français, quoi. En gros, hein, c'est un peu ce qu'il dit. Donc on voit qu'en plus, au-delà de critiquer juste le système de formation français, il va plus loin, il critique également le système de financement du cinéma indépendant français et de sa capacité justement à aller investir de l'argent dans les films un petit peu plus audacieux que ce qui peut arriver aux États-Unis, puisque ça c'est l'autre problème qu'il y a également aux États-Unis. Là, je reprends cette fois-ci, on dérive un petit peu le problème, puisqu'on va aller vers un autre sujet. C'est cette fois-ci comment marche en ce moment, effectivement, le cinéma français aux États-Unis. Marche pas très bien, le cinéma français en ce moment aux États-Unis. Là, je reprends les propos qu'Isabelle Giordano a donné un petit peu aux États-Unis en ce moment, puisque c'était la fête du cinéma français aux États-Unis entre nos deux podcasts. Et elle le dit elle-même, hein, il faut le reconnaître. Il y a 10 ans, on avait plus de succès au box-office américain que maintenant. Aujourd'hui, on est dans une période difficile et on a du mal à s'en sortir. Alors, c'est vrai qu'en plus, malheureusement, en 2016, on a fait une chute entre 2016 et 2015 de 69% de la représentation des films français au box-office américain, hein, qui est exprimé en dollars. Hein, donc attention, c'est une chute des entrées, hein, du nombre d'entrées. Donc voilà. Effectivement, en plus, en 2016, on avait quelques gros blockbusters qui venaient un petit peu se tirer ce chiffre vers le haut, puisqu'on avait Lucy ou Taken, par exemple, apparemment, qui était sorti en 2016, qui venait un peu tirer les films français, on va dire, vers le haut. Bon, il s'avère qu'en général, quand on pense films français, on pense pas forcément à Lucy ou à Taken, hein, en général. Qu'en est-il un peu de la représentation des films un peu plus audacieux, pour dire ça poliment, aux États-Unis? Bah, c'est pas non plus exceptionnel, hein, puisqu'il y a très très peu de films en fait qui arrivent à être même projetés dans des salles en fait aux États-Unis pour les films un peu plus indépendants, on va dire. Et du coup, par exemple, ils prennent l'exemple de Dipan, hein, Dipan, je ne sais plus comment on le prononce, Audiard, Dipan, pardon, Dipan d'Audiard, qui donc avait gagné la Palme d'Or en 2015, donc ce qui lui fait déjà une belle exposition même aux États-Unis, et qui a fait moins de 250 000 dollars au box-office américain, donc ce qui est un chiffre quand même un petit peu décevant, on peut le dire, sachant que justement, il y a une dizaine d'années, c'est François Ozon cette fois-ci qui déclare que dans les années 70, dans les années 80, le cinéma français était plus respecté, et maintenant c'est plutôt une niche, ça c'est François Ozon qui dit ça à Andy Weir. Là, le plus gros succès français au cinéma récent, c'est le seul qui a dépassé les 2 millions d'entrées au box-office américain, c'est Elle, hein, de Paul Verhoeven, qui a été bien sûr boosté par la nomination d'Isabelle Huppard aux Oscars. Ouais, est-ce que c'est un film français, c'est un autre débat. Est-ce que c'est un film français, ça reste en plus un autre débat. Bon, voilà, néanmoins, il y a quand même de quoi un peu se réjouir prochainement, on va dire, sur le potentiel succès du cinéma français aux US. Hein. Il y a The Salesman qui a été coproduit par Arte et France Cinéma, qui a fait plus d'1,7 million d'entrées au box-office. Alors il y a un film que je connais pas qui s'appelle Magnolia's I'm Not Your Negro, directed qui a été réalisé par Raoul Peck et produit par Velvet Film, donc qui est une société parisienne, et qui a déjà fait plus de 5,5 millions d'entrées. Donc là voilà, moi j'en ai jamais entendu parler de ce film. Ah, c'est des films financés par les Français. Ouais, c'est souvent comme ça en fait. Hein. En plus, dans ce qu'ils considèrent comme réalisé comme, enfin, des films français, ça peut être uniquement un financement français. Par exemple, quand Arte va produire un film, s'il fonctionne bien, ça peut marcher, hein, tout simplement. Alors c'est vrai que le gros problème de tous les films indépendants, entre guillemets indépendants français, aux États-Unis, on l'a dit, c'est un peu d'arriver en salle en fait. C'est même pas tellement de convaincre le public d'aller voir un film en sous-titres, hein, puisque c'est déjà très difficile aux États-Unis, les gens aiment pas les sous-titres et n'y sont pas habitués. Mais c'est qu'en plus, il faut tout simplement déjà être dans la salle sur laquelle on est diffusé. Et il y a peut-être une potentielle solution qui est en train de se dessiner pour le cinéma français un peu plus indépendant aux États-Unis, c'est à nouveau les plateformes de VOD. On revient à Netflix qu'on abordait un petit peu plus tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a eu quand même une bonne nouvelle. Alors, c'est Divine qui a été racheté par Netflix par exemple. Aux États-Unis et qui va être diffusé du coup sur la plateforme Netflix américaine. Et pour eux, c'était, on va dire, pour l'équipe de production de Divine, c'était une excellente surprise et c'était un excellent moyen de se faire distribuer aux États-Unis parce que sinon, ce n'était pas le cas. C'était pas visible pour les Américains, Divine. Ouais. Là, maintenant, ça va l'être et ça va être sur le catalogue américain de Netflix. Donc pour eux, c'est vraiment, ils le disent d'ailleurs, hein, c'est un grand pas et c'est un premier pas vers peut-être le futur du cinéma d'exploitation français aux États-Unis qui passerait peut-être. Voilà, par Netflix ou Amazon ou ce genre de choses, sachant que pour l'activité et les sorties en salle, a priori, on serait plutôt réduit au plus gros box-office et de plus en plus, ça serait comme ça. Donc voilà pour ce petit point sur le cinéma français aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez des remarques à faire. Je suis désolé, ce n'est pas très joyeux pour le cinéma non, français. Non, c'est surtout que ça serait presque un débat à faire. Il y a beaucoup de choses, tu as dit beaucoup de choses, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Après, je pense que le problème, c'est que par rapport à la nouvelle vague, où tu avais vraiment. C'était porté par une esthétique et par un groupement de plusieurs cinéastes. Aujourd'hui, moi, de dire qu'il n'y a pas de cinéastes majeurs qui ont émergé en France dans les 30 dernières années, pour moi, c'est faux. Tu vois, on peut en citer, enfin, je sais pas, tu parlais d'Ozon, tu parlais de Kechiche, on peut parler de Kechiche, je sais pas, il y a Sayas, il y a des Pléchins, enfin, je sais pas, il y a des cinéastes français qui ont fait des grands films, il y en a. Alors après, est-ce qu'ils sont aussi marquants que pouvait être la Nouvelle Vague? Je pense pas, parce qu'ils sont peut-être pas sous une même bannière, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être plus éclaté, et peut-être qu'en France aussi, on a un problème pour produire des films, peut-être plus grand public de qualité, comme peuvent le faire les Américains. Mais je sais pas, sur le cinéma d'auteur, moi, j'étais pas d'accord avec cette tribune-là sur ça, c'est-à-dire sur cette idée que là, t'as l'impression qu'il dépeint un territoire français où il n'y a pas un bon film français qui sort chaque année. Et d'ailleurs, j'ai l'impression aussi que c'est parfois ce qui est un peu relayé, justement, parce que moi, j'en parlais avec des gens sur Twitter, où des gens avaient l'air de trouver, d'acquiescer à cette remarque comme quoi il n'y a pas, et c'est un truc qu'on entend assez souvent, oh, les films français, il n'y a pas de grands cinéastes français. Tu parlais d'Audiard, moi je trouve que c'est Audiard, il fait quand même un cinéma, on prend Le Prophète, on prend Dipan, enfin, c'est des films quand même qui sont d'une bonne qualité. Je ne trouve pas qu'il y ait un désert total dans le cinéma français, comme il peut y avoir dans d'autres cinémas, même à une époque comme le cinéma italien à une certaine époque. Voilà, je trouve qu'on n'en est quand même pas là. Alors après, peut-être qu'il attend, peut-être qu'il y ait plus une esthétique, peut-être quelque chose qui soit vraiment qui apporte quelque chose de différent. Mais voilà, moi je vois pas vraiment. Alors après, oui, sur le fait que ça, aux États-Unis, c'est compliqué de faire marcher un film français, ça c'est une réalité. Mais après, sur l'appréciation en tant que critique, je suis pas trop d'accord, quoi. C'est sûr que c'est des propos assez violents qu'il a et qu'on voit qu'il est un peu énervé aussi contre le système. Je trouve pas ça violent, je trouve ça un peu un des propos un peu de méconnaissance du cinéma. Alors après, peut-être qu'il faudrait lire la tribune complète et voir ce qu'il explique par rapport aux cinéastes français. Est-ce qu'il les connaît? Est-ce qu'il les a vus? Est-ce que voilà, après, je sais pas, hein, je fais pas de procès d'intention. Mais voilà, après, je sais pas ce que les autres en pensent, mais. je regarde Stade comme ça un peu dubitatif. En fait, non, j'essaie de trouver des grands réalisateurs français récents. J'ai pas forcément de noms qui me viennent rapidement. Bah, c'est vrai que ceux que tu as cités déjà, Julien, on parle je suis d'accord, non, c'est des cinéastes de qualité, mais qui marqueront pas autant que les cinéastes de la nouvelle vague. Mais prendre par le biais de la nouvelle vague le cinéma français, pour moi, c'est un faux débat. Parce que oui. La nouvelle vague, ça correspond à une transformation des technologies aussi, liée au fait qu'on puisse filmer en plein air, qu'il y a l'évolution de la lumière, de la captation, du son, tout ça qui arrive à un point convergent. Et ça est juste émergé en France, c'est presque un coup de bol, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est comme si nous on disait bah, Hollywood ne fait plus rien de nouveau parce que depuis le nouvel Hollywood, franchement, ils s'endorment. c'est aussi bête que de dire ça, tu vois. Ah, les films de super-héros, c'est tous les mêmes, ils sont formatés. Pour moi, c'est aussi ridicule de dire ça. Donc, comme tu disais, il faut voir ce qu'il connaît un peu du cinéma, ouais. etc. Après, peut-être qu'il peut y avoir un questionnement sur la fémis, sur l'uniformisation des cinéastes. Il y a uniformisation, qui en sortent. Je suis assez d'accord sur ce point de vue. Il y a eu des reportages sur ça, la façon dont c'est fait. Souvent, on voit des réalisateurs qui sortent de la fémis parce qu'ils ont une certaine façon de cadrer. Ozon est sorti de la fémis, c'est au début, il filmait à la fémis. C'est un cadrage précis, une lumière précise. Tu sens que c'est vraiment fait réaliser sur un cahier des charges. Ouais, c'est scolaire, quoi. Voilà, c'est assez scolaire. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sortent de la fémis où tu te dis, ça se voit. Mais après, c'est des gens aussi qui ont, s'ils sortent de cette école, ils ont appris des choses, ils ont aussi des choses à dire et ils s'épanouissent avec le temps, etc. Ça formate pas vraiment. Les gens trop formatés, ils disparaissent, ils font de la pub ou des trucs comme ça. Mais si Ozon aujourd'hui a émergé, c'est pas juste parce qu'il sort de la famille, c'est qu'il a appris les codes. Ouais. C'est quelque chose de plus. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Et je sais pas, Louis, peut-être, donc t'es au Canada, donc je sais pas, le cinéma français, il est vu comment je sais pas si t'as un regard ou si. Alors, mon propre regard, c'est que je suis quand même d'accord avec le fait que le cinéma français. Manque d'originalité et puis surtout les réalisateurs manquent de personnalité, c'est-à-dire quand on met en avant la personnalité d'un réalisateur français, c'est souvent parce qu'il écrit des dialogues d'une certaine manière ou travaille avec tels acteurs, c'est pas pour sa façon de filmer en fait, à part quelques-uns comme Gaspard Noé, Quentin Dupieux, qui ont une vraie personnalité graphique et technique, pour beaucoup c'est un peu, on est encore dans la tradition du théâtre filmé, je trouve. Et c'est ce qui manque. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'esthétique propre, en fait. Ouais, il n'y a pas de direction artistique, quoi. Ozon en a, Jeunet en a. Enfin, voilà, il y a quelques-uns, mais il n'y en a pas des dizaines, quoi. Et ça manque un peu. Mais après, au Canada, comment dire. Ici, quand même, le cinéma français est quand même super populaire. Les comédies françaises marchent super bien. Au Québec, merde. En tout cas. Lesquels alors? Danny Boone. Les mêmes qu'en France, hein, je vais vous dire. À chaque fois qu'il y a un gros succès en France, ça cartonne ici, quoi. Voilà, les gros Danny Boone, les gros trucs comme ça marche aussi, évidemment, quoi. Ah putain. Voilà le cinéma français. Ouais, c'est triste. Mais après, il y a aussi d'autres films qui marchent dans quoi. Moi, je suis peu cinéma français parce que justement, je trouve qu'il y en a peu qui se démarquent. Quoi. Et j'ai un peu de mal avec ça. Donc, je ne peux pas être contre lui. Hein. Je ne sais pas comment se passe la formation, si ça vient de là, mais en tout cas. Moi, ce qui gêne, c'est. On n'encourage pas, en tout cas, la production n'encourage pas ce genre de truc. Quoi. Ouais, non, je suis d'accord, mais ce qui est gênant du point de vue de ses critiques, c'est qu'on a l'impression qu'il considère le cinéma par sa rentabilité. Quoi. C'est sous prétexte que le film ne marche pas. Ça, voilà. C'est complètement con. Ça, ça fait un peu balufron et on compte les millions de dollars. Il n'y a pas de millions de dollars, donc c'est que c'est un film de merde. Ah, c'est ça le système. Ouais, il dit quand même qu'il pense pour lui qu'il n'y a aucun film français qui a eu l'influence qu'a pu avoir par exemple La Nouvelle Vague. Donc c'est aussi une question de notoriété. Je suis d'accord. Il ne parle pas que de box office. Il en parle. Je veux dire, La Nouvelle Vague, il ne visait pas d'argent. Quoi. Non. Faut pas, tu vois. Non, non, évidemment, mais c'est la nouvelle vague. Pour moi, c'est regardé par une lorgnette qui est trop spéciale. Ça décrit pas le cinéma français. C'est un état de changement ou quelque chose qui est arrivé de façon trop extrême pour décrire le cinéma français. D'autant que la nouvelle vague, tu peux, entre, je sais pas, Truffaut, René et par exemple, je sais pas, Godard, c'est un cinéma hyper différent qui a été réuni sous cette appellation-là, mais qui était. Ça a presque rien à voir, en fait, j'ai envie de dire. Bah oui, je suis bien d'accord. C'est juste parce qu'à un moment, il y a un mouvement de jeunes cinéastes qui a émergé et qu'on l'a mis sous cette appellation-là, quoi. Mais moi, je trouve, par exemple, notamment en France, dans le film de genre, on est quand même assez faible. Ça dépend des genres. Non, mais enfin. Non, mais c'est vrai, le film d'horreur. Il n'y a pas grand-chose, on va dire, au niveau film de genre. Tout ce qui peut être fantastique, horreur et tout. Justement, en ce moment, il y a un film de genre qui sort, qui s'appelle Grave. Ouais, mais par exemple, là, moi, ce que beaucoup reprochent, c'est justement, c'est un film où finalement, c'est un film d'auteur où le genre est un peu méprisé, un peu genre, ah, c'est un film de genre, mais moi, je vais en faire quelque chose d'intelligent. Tu vois, il n'y a pas ce côté, on va littéralement dans le genre et finalement, on en fait quelque chose de l'intérieur, pas en essayant de le regarder un peu de côté. Quand ils le font, c'est Alexandre, par exemple Alexandre Aja, et du coup il s'est après exporté aux États-Unis parce que peut-être qu'il était mieux accueilli aussi par le système américain après. Ouais, mais est-ce que c'est déjà pas presque pas un réalisateur américain dans l'esprit. Tu vois, quand il a fait Haute Tension, c'était un film de genre pour le coup français. Enfin, c'est lui, hein, Haute Tension, Dim. Oui, c'est lui. Ouais. Tu vois, c'était français. Et... il avait quasiment pas eu de moyens, c'est pour ça, ouais, voilà, comme tu disais, qu'il est parti aux États-Unis. Ouais, voilà, c'est le, et le, quand le... tu regardes un film comme Grave, pareil, Grave, c'est vraiment un tout petit budget. Hein. Mais ouais, moi, tu vois, ça. Sur Grave, j'ai entendu des critiques dans, sur ce sens-là, dans ce sens-là, c'est-à-dire que voilà, c'était le film classique de genre qui était un peu vu côté film d'auteur, tu vois. Le, ouais. Voilà. Et peut-être aussi, quand on parlait d'esthétique, peut-être qu'il y a peut-être trop d'auteurs en France et pas de stylistes. C'est vrai que... Tu vois, comme ce que disait ouais. Elohim sur finalement des gens, des réalisateurs qui n'ont pas forcément une esthétique. Alors après, ça dépend. Par exemple, moi, je trouve que Kechiche, il a une esthétique. Pour moi, c'est un styliste et c'est aussi un auteur. Je trouve que Desplechin, alors il est peut-être plus auteur, que, mais je trouve que c'est un grand metteur en scène. Après, ça dépend ce qu'on attend en termes de style. Mais bon, après, voilà, c'est... un vaste débat. On aurait pu le faire en plus. Non, mais ça a lancé quelques. Dites-nous hein, dans les commentaires si vous avez, si vous en savez un peu plus, si vous êtes comme Elohim à l'étranger, comment est perçu le cinéma français dans votre, dans le pays où vous vous situez, et puis éventuellement si vous vous êtes déçu de ce, de l'état que, un peu triste que ce critique. Moi, a je pense fait. Qu'il va y avoir beaucoup de critiques négatives sur le cinéma français. Moi, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup sur les gens dans, dans ma timeline Twitter, des gens qui disent ouais, non, les films français, genre je regarde pas, c'est pourri. Moi, j'ai beaucoup de mal aussi, hein, donc j'ai fait cette news, mais moi personnellement, j'ai beaucoup de mal avec le cinéma français en général, hein, donc je suis un peu voilà ce côté théâtre avec une un côté un jeu que je trouve faux en permanence, j'ai beaucoup de mal avec ça quoi. Donc bon. Voilà, dites-nous dans les commentaires, on relance un autre débat là-dessus hein, donc on va pas partir, mais il y a une autre question, je crois que c'est, je vais passer la parole à Dimitri qui va également nous demander notre avis, beaucoup de débats ce soir, hein, beaucoup de questions à se poser. Ça va être un podcast de 5 heures. C'est un podcast de 5 heures, on vous prévient seulement maintenant, on est gentil. Dim, tu vas nous parler de Netflix à nouveau. Ouais, donc Netflix veut se lancer dans les séries interactives. Donc pour l'instant, c'est juste encore à l'état de rumeur, mais ça fait pas mal de bruit ces derniers temps, et donc je voulais avoir votre avis sur la question, parce que bon, ça brasse aussi pas mal de réflexions sur le côté artistique et mercantile des séries. Donc en gros, c'est un peu une nouvelle version des livres dont on est le héros, ou encore une variation des jeux de David Cage ou de Telltale. Donc ça prouve encore que Netflix cherche à faire bouger les choses après le binge-watching, ou encore la possibilité de donner plus de liberté à des auteurs comme on l'avait évoqué la dernière fois. Donc cette rumeur vient du site anglais The Daily Mail, qui donne comme exemple des séries comme Orange is the New Black ou encore The Crown, histoire de changer on va dire des faits réels. Si ce procédé se démocratise, cela veut dire que les temps de production vont considérablement se prolonger. En gros, le double, voire plus, parce que voilà, il y aura plus de scènes tournées pour répondre aux choix des spectateurs, des acteurs, réalisateurs, scénaristes qui vont faire des heures sup. Enfin, je suppose que je ne connais pas les coulisses de réalisation par cœur, mais je me dis que certaines productions ont une tonne de scènes coupées, donc si le projet est bien carré, ça peut éventuellement revenir au même. Je m'interroge aussi si les scènes non choisies par les spectateurs seront quand même visibles sur la plateforme de streaming. Après tout, moi par exemple, je prends l'exemple, quand je finis un jeu de type Heavy Rain, j'aime bien ensuite aller voir sur YouTube les autres fins et les autres embranchements. Donc voilà, j'essaye enfin de trouver un peu du positif là-dedans, mais bon, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas particulièrement pour le procédé. Moi j'aime quand les réalisateurs, ou dans le cas des séries, des showrunners, ont une vision forte, quitte à ce qu'on m'impose un point de vue, même si cela me déplaît. Je trouve ça dommage que là, cette vision soit sacrifiée à celle du spectateur. Ça me fait un peu penser à la polémique qu'il y avait eu pour Walking Dead sur la violence au début de la saison qui est en cours actuellement, et les diverses pétitions un peu de Google pour rendre la série moins choquante. Enfin voilà, merde, quoi. Si tu regardes Walking Dead, tu regardes pas la fête à la maison. Donc voilà, enfin, j'ai donné mon avis, je voulais savoir un peu si vous avez des choses à ajouter ou ce que vous en pensez. Les séries interactives, purée, bah, vaste ouais, sujet. Déjà, tu as cité, moi je citerai une série française qui s'appelle Salut les homards, qui était une série des années 80-90 où en fait, à la fin, tu avais, ça se terminait sur une espèce de cliffhanger et tu avais un numéro de téléphone à appeler, je crois, et tu, en fait, tu mettais en fait, la fin que tu voulais. Donc il y avait deux propositions, je sais pas, vous voulez que machin aille avec, avec je sais pas, une fille, machin, ou que par exemple il rentre chez lui, et tu votais. Donc, tu avais deux choix, je crois. Et à la fin, l'épisode qui était après, je ne sais plus tous les combien c'était tourné comme c'est ça. C'est incroyable. Et, voilà, c'était déjà une série interactive. Salut, Omar. Mais en même temps, tu disais, oui, toi, la vision du réalisateur, moi je suis complètement d'accord avec cette vision. Après, on sait que ceux qui n'ont pas les director cut, ça se fait comme ça aussi. C'est-à-dire que tu as des projections, des projections pour le public. Et c'est puis finalement, c'est interactif. Les gens disent, j'ai pas trop aimé ce personnage. C'est ce qui se passe dans les films Batman vs Superman, ouais, mais dans les séries. Ouais, mais le souci pour moi, c'est que généralement, c'est des séries quand même, on commence déjà à la regarder. Et voilà quoi, moi je trouve que c'est dommage que les spectateurs aient leur vision des choses. Ah, je suis d'accord avec Alors que le film, c'est une projection test, on le voit pas avant. Oui, oui. Donc on voit le produit fini tel quel une fois en salle quoi. Ah oui, non mais c'est. Ouais, après c'est un système de. Finalement, c'est presque. Pour le coup, ça peut être marrant en termes de. Finalement, dans une série, ça peut être quand même un processus intéressant. D'avoir finalement plusieurs. Parce que là je sais pas si. Il ferait comment en fait. Tu choisirais la seconde partie et ils auraient tourné les deux parties, c'est ça? Bah, c'est ce qui risque de se passer en fait. On va choisir. Il y aura des questions. Par exemple, pour Orange is the New Black, est-ce que vous voulez que l'héroïne intègre tel gang ou tel autre gang? Et donc ça va faire des embranchements. Je pense que ça va se situer comme ça. Alors après, à savoir ce que je disais, si toutes les possibilités seront disponibles sur Netflix et on pourra regarder un peu la série, on va dire à sa sauce, ou alors voilà, il va y avoir un vote et puis la semaine suivante il y aura un embranchement et seulement un embranchement qui sera choisi. Je sais pas du tout comment que ça va se dérouler. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est que Netflix devrait expérimenter cette méthode cette année sur une série pour enfants. Donc on pourra peut-être déjà avoir un peu plus de détails à ce niveau-là, quoi. Les enfants vont appeler. Avec un numéro surtaxé. Je sens que je vais encore payer des trucs là, moi. Ça va me faire... Tu sais, ça me rappelle un peu dans Futurama. Il y a ça, ils sont au cinéma, il y a un film interactif. À un moment, ils voient un film sur Calculon et ils doivent voter si l'action se poursuit ou s'il refait sa comptabilité. Et tu vois, genre il vote, il refait sa comptabilité. Enfin bon, bref, ça me ferait marrer que ce soit des choix un peu comme ça ridicules, tu sais. Genre, voilà, bon. Non, mais très très curieuse chose que Netflix va tester là avec ces. Non, mais disons, moi je trouve que si le projet est prévu autour de ça, ça peut être intéressant. Après, si c'est simplement toutes les séries sont faites comme ça, ça va être là, chiant. Hein. Effectivement, ça va être chiant, mais si tu vois, il y a un projet qui. Imagine Game of Thrones, le Red Wedding. J'étais justement en train de penser à ça, quoi. Je veux dire, enfin voilà, quoi. Tous les personnages que les spectateurs préfèrent, ils seront toujours là. Et c'est nul, parce que ce qui est bien, c'est justement l'audace des auteurs qui les tuent. Ouais, mais là, il y aurait des surprises. On truquerait les votes, ça serait. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'il y aura un truc terrible qui se passerait, les gens. Ça. Bon, du coup, Julien, je te repasse la parole sur le streaming. Je crois que tu vas nous parler du streaming, c'est ça? Ouais, et de Ty Segall. Alors, je ne sais jamais si on dit Segall, Segall. Donc, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de Ty Segall, si ça vous dit quelque chose. Oh, si le nom me dit quelque chose. Ça devrait te plaire, je pense. Dim, je pense que ça devrait te plaire. Hein. Je pense que tu peux écouter. Voilà, j'en ai peut-être parlé. Comment? C'est pas Steven. Steven Segall. Voilà, c'est un peu son frère caché. C'est son frère, même jumeau. Voilà, donc j'avais peut-être parlé déjà ici d'un album qu'il avait sorti qui s'appelait Manipulator. Et il a des projets aussi comme Fuzz. Je sais pas si ça te parle, Dim. Voilà, Ty Segall, c'est un Californien qui fait dans le rock garage. C'est, on va dire, pour faire un peu court entre les Wild Stripes et pour ceux qui connaissent Jerry Third, qui était aussi un type qui faisait du garage, qui s'est suicidé, je crois, il y a peut-être 4-5 ans. Voilà, moi je vous conseille d'ailleurs le dernier album éponyme de Ty Segall. Putain, il nous fait un conseil. Et voilà, je dis pour Dim parce que ça rappelle un peu les riffs de Black Sabbath. Donc voilà, si t'aimes bien Black Sabbath, tu peux. Ça va du heavy, même parfois à la pop. Enfin, il a un spectre assez large et surtout qu'il a un côté très do it yourself. Et notamment, voilà, il a pas la langue dans sa poche, je voulais dire, je n'ai pas cette expression, mais je l'ai pas trouvé mieux, je l'ai pas écrite, mais bon, voilà, c'est un peu l'expression de merde. Il a pas la langue dans sa poche, qu'est-ce qu'il a dit alors? Donc, il a été interviewé par le magazine Esquire, et il a donné en fait son avis sur ce qu'il se pensait du streaming. Donc, il a dit, avec Spotify et tous ses services de streaming, tu ne touches pas un rond, tu dois t'appeler Madonna ou un truc du genre pour vraiment toucher des royalties. Donc voilà, le cœur du problème pour lui, c'est l'argent qui est reversé aux artistes par Spotify ou Apple Music, qui paye même moins que YouTube. Donc, il ajoute, à vrai dire, je n'aurais pas de problème avec ces plateformes si elles payaient mieux, mais elles ne le font pas, elles pillent complètement les artistes, du coup je ne veux pas faire partie de tout ça. Donc lui, la solution qu'il a, hein, qui rappelle un peu la position dont j'avais parlé à l'époque, qui était pour le coup un peu plus mesurée, de Kevin Parker de Tame Impala, qui lui disait voilà, bon bah moi j'ai aussi dû pirater des CD, c'est pas très très grave, ça me dérange pas. Si quelqu'un me dit ouais, ton album il m'a touché et qu'il l'a piraté, c'est pas quelque chose qui pouvait le déranger. On n'est pas chez Metallica, hein, par exemple. C'est ça. C'est ça, hein. La piscine en or de l'Arche Ulrich. faut quand même la payer. Donc voilà, lui finalement il en appelle à la gratuité face à ce qu'il appelle du vol. Donc il dit je préfère que la musique soit gratuite que volée par Spotify personnellement. C'est juste marrant d'entendre les gens dire je n'ai pas les moyens d'acheter ton album mec, pourquoi il n'est pas sur Spotify ? Moi j'aimerais répondre tiens je te l'offre mon pote. Il parle un peu comme ça. Hein, c'est ouais, il est sympa avec tout le monde. Ouais il est sympa avec tout le monde, il est un peu comme ça. Donc bah voilà, là le problème, il n'est pas sur Spotify, donc si tu veux écouter Ty Segall, bah, y a une solution c'est d'acheter le disque, hein, ça se fait encore, des ça gens le font, sérieux, des gens sont dans des magasins, on ne sait pas qui ils sont, que font-ils, quels sont leurs réseaux, mais parfois ils vont dans des magasins acheter des disques, ou alors tu peux le trouver sur YouTube, donc tu peux aller chercher sur YouTube, mais il ne sera jamais en streaming, donc voilà c'est une position, et d'ailleurs le label sur lequel il est, je sais pas si c'est pas Drag City, je crois qu'eux ils sont jamais sur Spotify en fait, t'as quelques labels comme ça. Ça rappelle un peu ce qu'avait fait Radiohead, où tu pouvais mettre ton propre prix pour l'album, même 0€ si tu voulais. Ouais, bon, ça c'était peut-être un peu plus opportuniste que ce que... Oui, oui, c'était aussi un gros coup de pub à l'époque, mais il y avait aussi un peu un message qui commençait à pointer sur le... En fait, t'as beaucoup de petits labels indépendants qui mettent pas sur, Spotify ou sur les plateformes de streaming parce qu'ils se disent que leur public, ils sont attachés à l'objet. Donc soit ils achèteront le vinyle, soit ils achèteront le CD. Mais voilà, ils sont attachés à avoir quelque chose de physique par rapport à l'artiste... Donc voilà, c'était juste sa position de Ty Segall. Et je sais pas, c'est un conseil un peu camouflé. C'est un peu comme les news de Dim où t'as du Star Wars dedans, où à un moment ça va dériver doucement sur Star Wars. Tu le sais. Tu vois, il peut te parler de Keshish. À un moment, alors tu vois, dans Star Wars, je pense que ça se rapproche de Keshish. Ça se rapproche de Keshish. Et donc voilà, c'est quand même pour aller écouter Ty Segall. Et Dim, je te conseille le dernier album de Ty Segall éponyme. Hein, donc, voilà. Et bah écoute, c'est noté. Ouais. Et bah Dim, justement, je te laisse reprendre la parole. Dim, on va repartir sur le cinéma et peut-être un peu de Star Wars au passage. Tu vas nous parler de Spider-Man, je crois. Ouais, voilà. Donc vous n'êtes pas sans savoir, Marvel Studios a trouvé un accord avec Sony pour récupérer Spider-Man. Et pour rappel, il est déjà apparu dans Civil War et on le verra cette année dans Homecoming. Mais par contre, Sony a toujours un droit de regard sur le perso, et dans le deal avec Marvel Studios, ils ont le droit de faire des spin-offs. À l'époque, un premier spin-off sur le groupe de méchants Sinister Six, qui était fortement teasé dans Amazing Spider-Man 2. Mais vu que celui-ci a bidé, le projet est tombé lui aussi dans les oubliettes. Mais là, Sony a bien repris de l'assurance et a annoncé deux spin-offs entre nos deux podcasts. Le premier est sans surprise sur Venom, un personnage très populaire dans l'univers de Spider-Man. On l'avait déjà vu au ciné dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi, et à l'époque, il avait énormément déçu les fans. Donc je pense que là, ils ont une bonne pression et ils n'ont pas trop intérêt à se planter. Ça risquerait de voir la fin de ce genre de projet. Le film sera écrit par Scott Rosenberg, le scénariste du remake de Jumanji, donc ça démarre déjà pas super bien. Et c'est par celui de La Tour Sombre, Jeff Pinkner. Et il n'y a pas encore de réalisateur accroché au projet. Par contre, le film est prévu pour le 5 octobre 2018. Et il y a aussi donc un deuxième film qui est prévu sur Black Cat et Silver Sable, et qui serait écrit par Chris Yost, qui a écrit Thor Ragnarok, et Lisa Joy, qui est une scénariste de Westworld. Alors, sachant que la justicière Black Cat devait initialement être à l'affiche de Amazing Spider-Man 3, et elle était jouée déjà par Felicity Jones, qui jouait dans Rogue One, hein, on revient à Star Wars. Et, le placement produit. Voilà, le placement produit, ouais. Donc, elle avait joué un petit rôle dans le Amazing Spider-Man 2. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais comme je le disais plus tôt, l'avenir de ce film dépendra sûrement du succès ou pas de Venom. Voilà. Bon, écoute, hein, on va s'en taper encore des années, hein, du Spider-Man. Hein. Je résume la news en quelques mots. Les Spider-Man. Je croyais que tu pouvais la résumer, on va s'en taper, je pensais que tu allais dire ça. Non, quoique, hein, ça dépend des gens, hein, peut-être. Je crois que Stan, toi, t'es à bout des super-héros. Hein, Stan. J'avais bien aimé le dernier Avenger. Ah, comme quoi hein. Le dernier Avenger ? Celui de cet été-là, Civil War. Ah, d'accord, ok. Ouais. Je pensais que tu parlais de Avenger 2. Ah non, non, Civil War, je ne sais plus lequel c'est le 3, Civil War. Ouais, là, c'est Wisbat, Captain America 3. Ouais. Ah, c'est Captain America, je ne savais pas que c'était Captain America. Ouais. C'était sympa. Bon, allez, on va conclure la partie divertissement, comme d'habitude maintenant, hein, finalement, avec le point trailer. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a vu comme trailer qui nous a peut-être donné envie de le voir ou pas ? Et Dim nous a proposé, je vais rester pour l'instant sur les super-héros, puisque Dim, tu nous as logiquement proposé le trailer qui a fait du bruit entre nos podcasts, Justice League. Justice League, est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir le trailer ? Non, malheureusement. Julien n'a pas eu le temps. Bon, du coup, Julien, tu n'avais peut-être pas envie. Hein, non, mais j'ai pas fait. Je sais pas, Elohim, Justan, qu'est-ce que vous en avez pensé de Justice League ? Elohim ? C'est moche, hein. C'est vraiment de pas très bon goût, quoi. C'est pas moi qui lance le couteau, c'est bien. Ouais. C'est... Disons que quand même, un trailer est mal monté et avec des couleurs comme ça, là, ça me rappelle un peu trop X-Men Apocalypse et les plus mauvaises heures. Ouais, non, ça n'a pas l'air très joli. Quoi, mais... Ah, je suis d'accord. Moi, j'ai eu les yeux qui ont saigné, je crois. Ça m'a fait penser à Batman vs Superman et c'est pas bon signe. Hein. Putain, c'est non. Pas bon signe. Hein. Bah, moi, justement, je trouve. Enfin, je suis de... Merci, Louis, pour la comparaison avec X-Men Apocalypse. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça fait aussi peur, on va dire, que ce X-Men là, quoi. Pourtant, moi, j'étais quand même assez confiant avec Batman vs Superman, et je trouvais que le trailer était bien foutu. Et, mais alors, par contre, celui-là, je trouve que la sauce, ça prend vraiment pas. Et c'est quand même drôle, quoi, parce que le film, il a quand même 2 ans de plus que le Batman vs Superman, et je le trouve bien plus moche, quoi. À un moment donné, on voit Batman dans les airs, c'est juste affreux. Aquaman sur la Batmobile, c'est trop ringard, je trouve. Ah, c'est naze. Bon, après, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, le film, il sort dans plus de 6 mois. Ils ont encore, à mon avis, le temps de bosser les effets spéciaux. Mais là, c'est vraiment... C'est Dim, il est toujours confiant. Tu optimises sur les films de super-héros. Dim, il va te dire, ouais, j'ai filé ma thune à un mec, Bernard Madoff, tu vois qui c'est. Bah, on est bon, pour l'instant, ça rapporte pas trop. Mais je pense que d'ici quelques temps... D'ici une dizaine d'années, je vais être sur une île paradisiaque. Mec, tu vas rien comprendre. C'est pareil avec Justice League, il y croit encore. Mais Dim, putain, dans le précédent podcast, t'as dit qu'ils sombraient tous, que ça marchait plus du tout du côté de Justice League. Et là, voilà. Je non, crois mais que le trailer. J'ai quand même dit, non, j'ai pas envie d'y croire non plus, mais bon, je serais quand même curieux de le voir. Ah bah, ça, c'est sûr, on ira le voir. Hein, mais bon. Comme d'ailleurs, le prochain film, c'est, pour le coup, j'avoue, c'est moi qui ai mis la bande-annonce, c'est moi qui vous l'ai proposé. C'est Baywatch, bien sûr. Voilà, un bon trailer. Baywatch, voilà. Enfin, on remonte un peu le niveau de tout ça. Hein, parce que... En fait, vous allez du plus bas au plus haut, là. Comment? Tu vas du plus bas au plus haut dans les trailers. Je là, on est tout en haut, là. On est tout en haut déjà. On a sauté des marches. Là. Au-dessus de nous, c'est le ciel. Voilà. Il y a rien au-dessus. Julien, visiblement, t'as aimé Baywatch. J'ai aimé d'un. Enfin, il y a plus de degrés quand tu vois le trailer de Baywatch. C'est-à-dire, t'es au-delà du goût. Enfin, c'est Nietzsche. Hein. T'es au-delà du bon goût et du mauvais goût. C'est post-moderne, quoi. C'est post-moderne. C'est la nouvelle vague, mais tu sais, la vague, tu vois, en plus. C'est la nouvelle vague, ouais. C'est la nouvelle vague. Non, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est le côté, c'est totalement décomplexé. Ah, ça, c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que là, on te dit, bon, il y a des meufs à poil avec des gros seins, bah, ok, on en parle. D'ailleurs, il y a Alexandra Daddario. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a cette blague, elle arrête de regarder médecin, machin, et voilà, c'est le truc. On peut pas, tu es Alexandra Daddario. On ne peut pas. Je vais reprendre la blague du podcast 2 heures de perdu, parce qu'elle a vraiment de très, très, très, très, très, très gros yeux. On voit que ses yeux dans ce trailer-là. Ça, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est ce côté. Ouais. Je trouve ça complètement nul, mais ça, à la fois, j'ai envie de le voir parce que ça a l'air complètement con, quoi, en fait. Edwin Johnson, voilà, je trouve. Ah là, c'est la roue libre. Il est en roue libre. Ah, mais... Surtout, il est bon dans la comédie, je trouve. Hein. Ouais, c'est presque une comédie. Bon, après, ça a l'air de virer un peu. Parce que c'est pas une comédie. Si, c'est une comédie. Si, mais non. Bon, on sait pas trop. C'est un peu film d'action, quoi. Bah, ouais. Quand Zac Efron est en nana, c'est une comédie ou. Quand il est en robe, là, j'ai pas compris. Spoiler! C'est dans le trailer, hein. Quand il est dans la mort. Ça va avoir le ton de 21 Jump Street ou. Ah, ça va être comme ça, ouais. Hein. Je pense je pense que ça va être. Ah, ça sera pas au niveau quand même, je pense. Parce que 21 Jump Street, c'était vraiment, vraiment cool. Mais là. C'était bien, hein. Ouais, très bien. Je suis un gros, gros fan des deux films. Ah, là, je pense que c'est vraiment nul. Hein. Ouais, là, je pense que ça va être un peu plus graveleux, mais tu vois, plus du front, quoi. Ah ouais. Je vois un truc comme ça. À la Triple X, un peu, on se disait, on avait évoqué ça au fin, ouais. Avant le podcast, on s'est dit, ça rappelle un peu le trailer de Triple X, hein, dans le n'importe nawak assumé. Ouais, c'est ça, c'est un espèce de nouveau degré où tu sais qu'ils font n'importe ils quoi. Ils savent qu'ils font de la merde, mais en même temps, ils, vont. Ils le savent. Ouais. Tu vois, c'est ça qui redonne un peu ce côté un peu culte, nanar culte, quoi, un peu le truc. Donc ouais, j'ai quand même envie de le voir. Je pense qu'on a très envie, hein. De toute façon, voilà, Alexandra Daddario. Bon bref, du coup, Death Note, ensuite, hein, Dim nous a proposé ce fameux trailer donc, d'une série Netflix, si j'ai bien compris, Dim, Death Note. Ça va pas être une série, ça va être un film. Tiré de la série et du manga. Oh putain, ils ont condensé ça en film, hein, d'accord. J'avais pas compris, je croyais que c'était un trailer de série, moi, tu vois. Bon, du coup, ce trailer de Death Note, vous l'avez vu? Oui. Vous êtes... convaincu? Non. Bon, Stan, pourquoi t'es pas convaincu? Déjà, c'est le fait que ça soit joué par des Américains, ça m'énerve. Voilà, c'est rien que ça, c'est rédhibitoire. Je suis puriste de ce côté-là. C'est comme Akira, si un jour ils font un film qui se passe pas au Japon ou à Tokyo, ça, j'irai pas le voir. Ouais. Voilà, rien que ça. Pas de deal breaker, quoi, déjà. Exactement. Deal breaker. Dès la première image, j'ai dit, ah bah, c'est pas pour moi. C'est vrai que l'acteur qui fait le rôle principal, Kira, il me semble, le nom du personnage, ouais. Je sais pas, je trouve qu'il a vraiment pas le look. enfin le physique à faire ce rôle là. Puis ils nous ont mis une sorte d'esthétique pseudo gothique moderne, je sais pas quoi, c'est dégueulasse. Enfin moi, vraiment, j'aime pas du tout. Enfin, bon après, ce qu'on peut rajouter, c'est que au Japon, ils ont déjà fait deux ou trois films Death Note. Et disons que les Japonais, ils ont pas besoin des Américains pour enculer eux-mêmes leur propre licence. Ah oui, ça j'en doute pas. C'est nul. Vraiment mauvais. Mais moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que justement, on parlait avant comme quoi on commence à avoir peut-être un ras-le-bol des super-héros, et je me demande si les producteurs aussi s'en rendent compte. Et donc, ils continuent à faire des films de super-héros, mais ils produisent des petits films, on va dire, adaptés de manga, peut-être pour essayer de trouver une nouvelle vague le jour où les super-héros vont s'écrouler, quoi. Bon, après, c'est qu'une supposition, mais... Ça commence à venir, là, les films attirés de manga. En tout cas, toi, Elohim, t'avais lu Death Note ? J'ai pas lu, j'ai vu l'animé. Je crois que j'ai digéré l'animé en 4 jours, quoi. Enfin, j'étais en Corse isolé dans la montagne. Je me suis maté ça, mais en jour de pluie, quoi. Et non, j'ai vraiment adoré l'animé. C'était vraiment super bien. Je n'attends pas le film, quoi. Enfin, voilà. J'ai vu le premier film japonais qui est vraiment nul, mais. Ça paraît hyper ambitieux. Je suis pas choqué par le côté que ce soit repris avec des Caucasiens à la place des Asiatiques, parce que on est habitué au remake finalement. Enfin, j'ai pas fait le même procès pour True Lies quand ils ont refait la totale, quoi. Tu vois, je m'en fous. C'est pas grave. S'il faut un truc de qualité, pourquoi pas, quoi. Mais bon, je sais pas. Le problème, c'est que ça sent pas la qualité, quoi. Ouais, ça sent pas très bon. Et c'est vrai que moi, l'histoire de Death Note, elle est quand même assez vaste. Résumé en 1h30 ou 2h, ça va être compliqué. Enfin bon, bref, donc Death Note, ça sera sur Netflix. Notre verdict, peut-être qu'on en reparlera quand on l'aura vu. Pour l'instant, donc Baywatch reste au-dessus, quoi. Baywatch reste largement au-dessus dans le classement. Pour l'instant, très mal votre classement. Ensuite, on a Baby Driver qui a été, je crois, proposé par Dimitri également. Vous avez vu la bande-annonce ou pas? Ouais, mais c'était il y a longtemps, ça, je l'ai vu, mais je me rappelle plus. Toi, tu l'as déjà vu, tu t'en rappelles plus. Merci Julien. Bravo. Merci Julien pour ta participation. Quand tu vas, il faudra que quelqu'un raconte la bande-annonce, comme ça, je me rappellerai mieux. Ah, c'est un jeune, c'est un jeune. C'est Driver. Ah, c'est Driver. C'est un film de Driver, mais. Par un mec qui a l'air d'un bébé, quoi. C'est un mec qui il fait des braquages, il conduit des bagnoles visiblement suite à des braquages, ou en tout cas avec des gangsters. On sait pas si c'est l'ordre. C'est pas la préquelle de Baby Boss dont on parlera. C'est pas la préquelle ni la suite de Baby Boss. D'accord, bon. C'est pas Baby Boss par sens. Ou Baby Cart. Baby Cart. Après Baby Cart, Baby Driver. Et Baby Boss. Ouais, c'est. Je sais pas, Dim, pourquoi tu nous as conseillé ce film, Dim, finalement? Bah, parce que c'est Edgar Wright et j'adore Edgar Wright. Ça, je suis d'accord. Bon, c'est clair que la bonne annonce, ça fait très drive, mais c'est son drive à lui, donc ça va être à mon avis plus déjanté, ultra speed, bien rock'n'roll. Je pense que ça peut vraiment être un très bon film de cette année, quoi, un bon cru. Ouais, moi je suis d'accord, ça a l'air vraiment sympa. Ouais. Et puis Edgar Wright, je suis d'accord aussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Peuve, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, ouais, d'accord. Ouais, surtout. D'accord. Donc ça, et l'acteur principal a l'air, il a pas de charisme, quoi, non? Non, par contre, c'est ça. C'est le petit jeune qui jouait dans Nos Étoiles Contraires. Je sais pas c'est ça, voilà, c'est là où je l'ai vu. D'accord. Nos Étoiles Contraires. Voilà. Okay. Je suis un peu étonné qu'il ait choisi ce mec-là, mais. Bah, ouais. Bon, en même temps, moi, sur le trailer de Kingsman, je me disais ça un peu du perso principal qu'on voyait, et puis finalement dans le film, il passait plutôt bien. Donc à voir, on verra bien. Ou même Ryan Gosling dans Drive, à la base. C'est vrai. Ryan Gosling, il y a beaucoup qui disent qu'il n'a pas trop de charisme. Oui, finalement, dans Drive, il était assez magnétique. Il est plat, Ryan Gosling. Ça dépend des rôles, ouais, ça dépend du réalisateur. Je ne trouve pas toujours plat. Bon, en tout cas, Baby Driver, pas mal. Donc, juste en dessous de Baywatch. Je pense qu'on peut le mettre. Baywatch. Le mec un peu corrompu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? On a quoi? Baywatch. Et il reste Coco. Coco, donc Gad Elmaleh dans sa suite. Moi, vu que je déteste Gad Elmaleh, j'ai pas voulu regarder. Tu sais, quand je l'ai cherché, parce que moi j'avais pas les liens, parce que voilà, j'étais sur mon téléphone et j'ai tapé Coco, et les premiers trucs qui viennent, c'est Coco de Gad Elmaleh. Et bah voilà, j'ai dû taper Coco Pixar pour le trouver. Tout. Voilà, tu l'as dit, c'est le nouveau film de Pixar, hein, donc rien à voir avec Gad Elmaleh, malheureusement. Peut-être je pense que notre critique new-yorkais n'a pas vu Coco. C'est pour ça qu'il dit que le cinéma français est en berne. En même temps, un des meilleurs doublages de dessins animés, c'était quand même Moi, Moche et Méchant par Gad Elmaleh qui doublait Gru. Ah, peut-être. J'ai pas vu en français. Je pourrais pas me prononcer. Le doublage est très bien, je pense. D'accord. Alors, du coup, Coco, qu'est-ce que t'en as pensé, Julien? Alors, ça commence un peu comme on en parlait tout à l'heure, comme un ratatouille. C'est-à-dire, c'est un petit garçon, ce n'est pas un rat, c'est un petit garçon. Ça commence pas du tout comme ratatouille, en fait. Non, mais tu sais, ce côté. C'est pas la cuisine, c'est de la musique. Et puis, c'est pas un dessin animé, en fait, c'est un film. Donc, en fait. Il fait pas la cuisine. Non, bah, il regarde en fait une vidéo d'une. Alors, je sais pas, on sait pas qui c'est. Ah oui, comme dans Ratatouille. Non, mais Ratatouille, regardez les vidéos de Gusto. qui expliquait la cuisine. Et en fait, là, il regarde les vidéos de quelqu'un qui raconte le rapport qu'on peut avoir avec un instrument de musique, là, avec la guitare et voilà, les chansons qui peuvent être écrites pour un nous. Un peu comme dans Wall-E quand il regarde des gens danser. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment non, ça n'a rien à voir. Mais non, c'est ce côté, voilà, il a un espèce de mentor qui lui montre finalement ce que c'est la qualité, que ce soit dans la cuisine ou dans la musique. Bon, voilà, tout ça, c'était pour dire que ça ressemblait un peu à Ratatouille. Et non, en fait, alors, après, je n'ai pas trop compris, on en parlait tout à l'heure, pourquoi il arrive dans le royaume des morts mexicains. Oui, effectivement, ce jeune garçon touche une guitare visiblement et se transforme, se voit transporté dans le royaume des morts mexicains. Ouais. Il y a déjà eu un film d'animation il y a peu de temps sur justement le royaume des morts, enfin tout ce qui est un peu mythologie mexicaine comme ça. Exact. Je sais plus comment il s'appelait, Manolo, je crois. Ah, exact, c'est ça, ouais. Bah, ça reprend cet univers-là et c'est vrai que c'est un univers sympa. C'est porteur, c'est coloré, on va dire, etc. Pour un Pixar, ça peut être assez prometteur. Oui, c'est le jour des morts, c'est ça. Ouais. Mais maintenant, on n'en sait pas beaucoup plus. Hein, sur et après, le. Vas-y, Dim. Moi, en tout cas, ça m'a fait penser à Robocop, sauf que c'est pas un robot, mais c'est un garçon. Et il a pas de flingue, mais il a une guitare. Non, je rigole, moi. C'était une blague de merde. Ouais, donc, on ira le voir. Coco-cop. Bon, on va arrêter. Non, après, non, parce que ce qui est pas mal, c'est qu'après, la dernière image, on le voit, il arrête d'une espèce de cité. Complètement illuminé. Voilà, des morts, parce que je trouve que le trailer dit pas grand chose en fait. Qui est plutôt bien. Pixar est assez fort dans les trailers qui ne racontent rien. Avec Wally, ils avaient déjà été très forts là-dessus. Avec là-haut aussi, il me semble que là-haut, on voyait pas les chiens qui parlaient, sinon personne n'y serait allé. Bon, en tout cas, Coco, ça a l'air pas trop mal. En tout cas, Pixar, on est un peu hypé. C'est le retour un peu de Pixar, peut-être, certains disent. Vice versa, c'était pas mal. Moi, j'ai un peu décroché. Bon. À Dory 2. Avec les Cars, les Cars 3. Cars 2, c'était nul. Dory 2, c'était moyen. Ah, voilà. Et par Coco, contre, moi, j'ai bien aimé. C'est le mec qui ont fait Wally, hein, c'est ça En plus, là, c'est l'équipe de Wally. Alors, je sais pas si c'est le réalisateur de Wally, c'est qui, c'est Andrew Stanton ou. Je ne pourrais pas te dire. Parce qu'à chaque fois, ils mettent par les créateurs de machin, mais faudrait savoir si c'est Brad Bird, si c'est. C'est le même ordinateur, quoi. Ouais, c'est ça. Par l'IBM qui a calculé. Par le même data center. Non, mais tu vois, t'as quand même, par exemple, Brad Bird. Moi, je trouve que les meilleurs films, c'est souvent Brad Bird, c'est Ratatouille, c'est Les Indestructibles. Voilà. Je vous propose qu'on passe à la partie critique un moment quand même. Ça vous va. On est en train d'enregistrer un podcast qui va durer un peu longtemps. Donc on va conclure là-dessus en disant qu'on ira voir Baywatch, tout simplement. Baywatch au-dessus du lot. Je crois que je vais imposer ça. On surfe sur la vague. Et ensuite Coco peut-être, éventuellement avec Baby Driver. Quoi. Ouais. Les autres, non, pas du tout. Voilà. En vous remerciant, on vous retrouve pour la partie boulangère. Tout de suite. Partie art ludique, nous voici de retour avec cette fois-ci non pas un débat mais plus des questions que c'est Stanislas se pose. Eh oui, je me pose des questions existentielles. Tu te poses des questions existentielles sur le jeu vidéo et pas sur n'importe lequel, je crois. Eh bien oui, je vais revenir sur un jeu dont on parle un tout petit peu en ce moment, à savoir le dernier Zelda, parce que tout le monde en parle dans tous les podcasts, dans toutes les émissions ou les articles, tout le monde en parle et je ne comprends toujours pas ce qu'est le révolutionnaire, parce que j'entends le terme des révolutionnaires sans arrêt. Alors pour bien comprendre, j'adore les Zelda, j'ai joué à tous les Zelda, celui-là je ne l'ai pas encore fait, je le ferai forcément un jour. Mais voilà, je me sens un peu perdu parce que je me dis, mais en fait, à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression de voir un Zelda comme les autres. Et je n'arrive pas à percevoir ce qu'il a de révolutionnaire. J'ai donc parcouru un article du Monde qui est sorti cette semaine où justement il donnait la parole à des créateurs de jeux vidéo. Je me suis dit, ah, je vais enfin comprendre. Je commence à percevoir un peu les choses et je sais que vous avez continué à avancer dans le jeu. Ouais. Y a pas, je précise, il n'y a pas que des créateurs du jeu vidéo. Oui, il y a, Des critiques, il y a, oui, y a Mathieu Triclot qui est philosophe. Des auteurs, voilà. Voilà. Des auteurs, c'est pour dire, il y a aussi des créateurs. Mais... Oui, c'est que tu as raison de préciser. Du coup, voilà, je sais que vous avez avancé un peu plus dans Zelda, que vous en avez parlé la dernière podcast plutôt bien, mais vous en aviez fait qu'une dizaine ou une vingtaine d'heures. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Voilà. Grégoire, t'en as combien? 110 heures. Boum. Julien, t'en as combien toi? Alors sur deux moi j'ai deux parties, donc j'en suis une quarantaine d'heures et l'autre trentaine d'heures. Mais pourquoi t'as deux parties? Parce que j'ai dû jouer aussi avec ma fille. D'accord. Voilà, et Lewin, toi, t'en as combien? Je dois être à une quarantaine aussi, je pense. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc vous avez commencé à avoir de l'expérience. 40 heures quand même, t'as déjà quand même bien commencé le jeu. Hein. Ah bah clairement, oui, tu peux terminer. On va en parler. Ouais, on va en parler de la façon dont on aborde le jeu, c'est ça qui est. Ouais. Mais voilà, c'est ça moi que j'ai du mal à percevoir. Parce que justement dans l'article du Monde, il parle d'une rupture avec Skyrim et autres jeux Ubisoft, hein, tel quel, hein, ils le disent tel quel. Ouais. Et du coup, je vois pas la rupture parce que pour moi, c'est un monde ouvert comme The Witcher 3, c'est un monde où tu te balades et tu fais des quêtes comme dans Assassin's Creed, on va dire avec beaucoup de guillemets. Et du coup, j'ai du mal à percevoir. Donc les grands arguments qu'il y a, ce sont des grands arguments du style. Ce qui change dans Zelda, c'est la narration, parce qu'on a une narration par suggestion. Donc, je vais vous lire juste ce que dit Mathieu Triclot, donc lui est auteur de philosophie du jeu vidéo. Donc, ouais, tu disais Triclot. Qu'il avait dit. Comment j'ai dit ? Tricot, je crois. Oui, c'est ça, Tricot. Non, mais c'est Triclo. Triclo ? Ouais. Ah, pardon. Donc, il dit qu'il y a retrait du narratif, le personnage central est muet et le scénario est sous forme de pièces de puzzle éparses. Seuls les personnages secondaires parlent, distillant quelques indices sur le secret du monde. Alors, qu'en est-il de ce monde et de ce secret du monde ? Est-ce que c'est vraiment... Ça, c'est assez vrai dans le sens... Enfin, c'est une constante des Zelda où Link est muet. Simplement, je pense qu'il veut dire, c'est que souvent, tu as des personnages qui vont te dire... tu vois, par exemple, pour les souvenirs, ils vont te dire, tiens, ça me dit quelque chose, je me rappelle, c'est à tel endroit, donc faudra que tu ailles à l'est du plateau, je te dis n'importe quoi, du plateau du Capricorne, et c'est à peu près vers un arbre. Donc, en fait, il va pas te dire... Dans un jeu, on va dire, un monde ouvert moderne, on te dira, ah, c'est à cet endroit-là, et on te mettra un point sur ta carte pour que tu y ailles. Là, c'est simplement une suggestion à l'endroit où ça pourrait se trouver. Donc, c'est plus par les souvenirs du personnage qui vont être un peu flous, enfin du personnage qui dit ça, et auquel tu devras le trouver. Alors après, c'est pas forcément le point, on va dire, le plus marquant sur le... Parce que le retrait du narratif, ça a toujours été le cas quand même chez Zelda. C'est pas... Mais en gros, Zelda a disparu, Link va devoir le retrouver. En fait, je pense que cet épisode, il est construit complètement différemment des autres, dans le sens où il est construit sur sortir du plateau et aller tuer Ganon, et ensuite tout est élastique à l'intérieur de cette formule-là, c'est-à-dire que tu peux tout faire dans l'ordre dans lequel tu veux, et ça, c'est pas du tout un mensonge par rapport à ce que tu pourrais penser. C'est vraiment, tu peux l'aborder. D'ailleurs, Elohim disait justement, voilà, on a, je pense, des approches différentes dans le jeu, et c'est vraiment, tu peux l'attaquer de un peu tous les côtés que tu as envie de l'attaquer. Et moi, pour faire deux parties en même temps, on fait pas forcément la même chose, et la structure est faite de cette façon-là, donc elle est pas construite où tu vas d'un point A à un point B, elle est pas balisée comme dans les autres mondes ouverts, c'est ce qu'on disait un peu la fois dernière. D'accord. Il parle aussi d'une exploration libérée. Il disait que par exemple Zelda avait réussi à se débarrasser de deux conventions qui étaient très ancrées dans les jeux de un monde ouvert, hein, c'est que il y a aucun affichage de l'itinéraire à suivre et que il y a des nombreuses tours, il n'y a aucune des tours à escalader habituelles où on voit tous les objets qui apparaissent sur la carte dès qu'on est en haut. Du coup, comment vous arrivez à vous repérer, comment et qu'est-ce qui fait que vous faites pas chier quoi en jouant à Zelda? Je comprends pas ça. Mais je sais pas si tu veux répondre. Non, je vais laisser parler Elohim un petit peu justement. Après une quarantaine d'heures, si tu veux répondre à Stan, et peut-être toi tu te fais chier, hein, je sais pas, on sait pas si ça se trouve. Juste avant qu'Elohim prenne la parole, moi ce que j'adore justement dans les Far Cry ou Assassin's Creed, c'est que je monte en haut et je vois tout ce que j'ai à faire. Je me dis, ouais, j'ai plein de choses à faire, c'est génial. Là, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien à faire. Alors, moi, pour avoir fait pas mal de jeux à monde ouvert, je suis assez client sans forcément les compléter finalement, les jeux Ubisoft ou d'autres. Hein, effectivement, souvent quand on découvre la partie de la carte ouverte, on voit plein de points et moi ça a tendance à plutôt m'étouffer en fait. C'est-à-dire que je suis pas un complétiste du tout, mais j'ai tendance à vouloir quand même aller faire un peu tous les points qu'il y a autour de moi et en fait je m'épuise rapidement. Et j'arrive souvent à la moitié de l'histoire du jeu, à la moitié de la complétion vraiment de la quête principale, et j'en ai un peu ras-le-bol. Et soit je vais direct à la fin, soit j'arrête. Quoi. Ça m'est arrivé d'arrêter des jeux au plein milieu parce que je suis un peu épuisé par les mécaniques du jeu hyper répétitives. Et sur Zelda, oui, il y a des tours, mais alors par contre, ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste que ça te découvre la carte. Et une carte comme tu regarderais une carte de nature, quoi. Et, il n'y a pas de point d'indiqué, il n'y a pas de toi tu dois aller là, tu dois aller là, c'est juste la topographie qui s'ouvre. Et la façon dont tu abordes le jeu, bah, j'imagine que ça dépend de chacun. Mais en gros, il y a deux approches. Il y a l'approche où tu suis la quête principale et tu vas au bout, ou alors tu t'éparpilles. Et moi, j'ai plutôt tendance à m'éparpiller, c'est-à-dire que tout ce que je vois, j'ai envie d'y aller. Quoi. Et ça, c'est la grosse force et la grosse différence, je pense, du jeu par rapport à un autre monde ouvert, c'est que j'ai vraiment... Il y a une manière de guider le joueur qui est assez incroyable où tu vois des points d'intérêt partout sans que ce soit des trucs qui clignotent sur ta carte. Quoi. Tu as juste envie d'aller là parce que ça a l'air cool là-bas. Et tu y vas et tu peux. Et tu peux grimper partout et tu peux sauter de n'importe où. Et c'est fait de telle manière que c'est pas si loin. Ça a l'air loin, ça a l'air hyper grand, c'est grand. Mais en fait, tout est atteignable hyper rapidement. C'est pas décourageant. Et si tu en as marre, tu vas ailleurs. Et. Enfin, c'est très bizarre, tu t'imposes des objectifs à toi-même et finalement tu te perds en route. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Quoi. Moi, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis sur en fait, la façon dont ils ont travaillé les distances. C'est-à-dire que moi, c'est un des rares jeux où quand je suis à pied, ça ne me dérange pas. À la limite, je cours même pas parce que tu ne peux pas trop courir. Et il y a une espèce de truc où tu as l'impression que c'est loin. Si tu regardes la carte, ça va être loin. Mais en fait, la topographie du terrain, la façon, je pense, la vitesse du personnage, tout est parfait. Enfin, tout est assez parfait dans le déplacement sur la map, en fait. Et alors qu'il y a des jeux, tu vois, je prends Witcher, je traçais, tu vois, avec Ablette pour aller d'un point A à un point B parce que soit il n'y avait rien entre les deux, ou soit la topographie n'était pas faite de la même façon. Là, tu peux te balader, tout finalement devient une espèce de terrain de jeu, ça veut dire escalader, prendre plutôt par la droite pour contourner cette petite, je sais pas, ce petit ravin. Tu vois, il y a une observation en fait de la map qui est beaucoup plus importante que dans les autres jeux à monde ouvert, quoi. Tu passes ton temps à regarder l'horizon, d'accord à ce que tu disais sur ça apparaît loin et en fait ça l'est pas. Peut-être là, un peu moins réussi peut-être sur l'escalade, peut-être justement cette partie horizontale, enfin la verticalité du jeu, elle est un peu relou là-dessus, ça peut être ça par contre un peu frustrant. Tu parles le fait d'avoir de l'énergie ou non, c'est le côté tu dois souvent grimper à des choses qui viennent un peu casser ton rythme, mais quand tu grimpes à une montagne par exemple, t'as pas tellement de quêtes ou tu vois pas tellement de choses à l'horizon parce que t'es en train de monter ta montagne, quoi, et tu dois c'est le faire peu, c'est un peu lent, mais en même temps c'est un peu répétitif. J'aurais pu augmenter un peu, tu sers de la hauteur pour savoir où tu vas aller après, voilà, ouais. Après plus effectivement que... c'est ouais. T'es un peu, t'as envie quand même d'y aller en haut parce que tu sais que tu vas voir après ce qu'il y a de l'autre côté de cette montagne ou ce mont, mais c'est vrai que la liberté d'explorer en fait c'est un peu ce qu'on disait, quoi. C'est comme t'as pas de points d'interrogation partout, finalement c'est toi exactement comme Ellen te le dit, t'as envie de te les mettre toi-même presque tes points d'interrogation, et tu te dis oh, il y a l'air d'avoir une espèce de ravine là-bas, il y a sûrement un truc au fond, je vais aller voir. Et puis en fait le temps que t'ailles à ta ravine, t'as déjà soit croisé un NPC qui veut te vendre un truc, soit croisé un monstre qui est un peu sur la droite, et du coup tu te dis bah tiens, est-ce qu'il protège pas un machin, soit t'as un système de radar dans ton jeu qui fait que il clignote, enfin il te fait un petit bruit répétitif quand t'approches d'une destination que t'es fixée, donc par exemple un sanctuaire ou un truc comme ça. Du coup, il commence à clignoter, tu te dis, ah, en fait, je suis peut-être pas très loin d'un sanctuaire, donc je vais changer de destination, etc. Et en fait, moi, je suis un peu comme Elohim, c'est-à-dire que j'arrive jamais à l'endroit où je m'étais dit que j'allais, et je vais toujours quasiment à l'opposé, je me retrouve, je devais aller dans le désert, je me retrouve en haut d'une montagne enneigée, enfin, c'est un peu toujours comme ça. Et finalement, c'est cette liberté hallucinante parce que t'as toujours quelque chose à faire, en fait. Et c'est un peu ton objectif à toi-même qui fait que tu te forces, enfin tu fais toi-même ton jeu, enfin, vraiment Exalda, tu fais toi-même ton jeu, quoi. Mais justement ce que tu dis, je regardais, Game Informer a fait une table ronde, enfin une sorte de rencontre entre quatre créateurs de jeux, dont notamment Ken Levine, et Ken Levine lui parlait de Invisible Hand, donc une main invisible. Donc en fait ce qu'il trouve assez dingue dans le jeu, c'est ce côté finalement ils arrivent à t'amener un peu où ils veulent juste avec le level design, en disant tiens regarde, il y a un truc là-bas, ça peut être intéressant, parce que beaucoup ont dit c'était vide, mais parce qu'en fait il y a des espèces de plages très vides pour qu'après tu aies un point d'intérêt, soit à l'horizon assez loin, soit assez proche. En fait il y a un travail sur la structure de la map qui est très très différente des autres open world où tout se ressemble un peu, c'est-à-dire que dans les open world tu vois un truc au milieu, au loin, c'est toujours un peu pareil, et là tu as quelque chose, un point d'intérêt, et c'est pour ça que quand tu veux faire une quête où tu veux aller d'un point A à un point B, tu vas forcément aller à part d'autres points et vraiment te promener, regarder, flâner et voir des choses, parce que ils te les montrent, parce que en fait ils sont designés d'une manière telle que finalement tu les remarques. En fait c'est du level design d'un niveau d'un Mario, en fait, où tu te dis ouais, ce niveau de Mario Galaxy il est super bien pensé. Mais là c'est pareil mais avec toute la carte, et toute la carte t'arrêtes pas de te dire ah c'est super bien pensé, parce que là j'aurais pas été comme ça, puis en fait en me baladant ça m'a donné envie d'y aller, tout en sachant pourquoi, qu'il faut quand même du vide, parce que pour que t'apprécies des éléments, pour que t'apprécies des éléments qui sont dans lesquels tu peux aller, je sais pas, des ruines, quelque chose, il faut aussi qu'il y ait du vide, il faut aussi d'abord que tu... Ça rend des choses imposantes. Voilà, aussi. Ça rend des choses imposantes. Le château central, il est imposant parce qu'il est au milieu de la plaine d'Hyrule. Les tours, tu les vois de loin. Donc voilà, t'as des points que tu vois de partout de la carte. Le volcan, par exemple, tu le vois de partout de la carte. Toi, moi, on en parlait juste avant d'enregistrer. Et toi, tu me disais, je comprends pourquoi c'est révolutionnaire. Or, moi, je trouve. J'allais arriver ça, en fait. Ah, tu veux, d'accord. Non, mais c'est la dernière question. Non, mais parce que pour moi, c'était un peu la question préliminaire du truc. C'est ça. C'est vers ça que je voulais vous faire aller. C'est-à-dire que pour moi, parler de la révolution, ça n'existe pas dans le jeu vidéo si t'as pas une révolution d'abord technologique. Mario 64, on parle de révolution parce que c'était un moment où la 3D arrivait, donc fallait repenser donc tout un level design qui était 2D, fallait repenser en 3D. Donc là, il y a un jeu qui arrive et qui pose une révolution parce qu'il pose des bases. On n'en est pas là actuellement, il n'y a pas de révolution, je dirais, à part si on porte la VR. En fait, ce qui est abstrait à comprendre, c'est que l'année dernière, on parlait que de The Witcher 3 qui posait toutes les bases fondamentales du monde ouvert. Jamais le monde ouvert n'était aussi beau. Pour moi, c'est pas le cas. Et là, tout à coup, Zelda, on redit la même chose que The Witcher 3. Witcher 3, il pose une question. C'est-à-dire, Witcher 3, c'est un jeu qui est très scénarisé. Finalement, il posait la question comment dans Witcher 2, tu prends l'histoire de Witcher et tu la mets dans un monde ouvert. Il posait sa propre problématique. Zelda, il pose une problématique qui est la sienne, qui est comment d'un jeu qui est ultra level designé, qui est connu pour ça, pour ses donjons, pour son level design, presque en petit, un truc très très serré, tu arrives à le mettre dans un monde ouvert qui est un truc où tu as plein de gameplay possible, où tu as un level design qui est complètement différent, où tu dois faire une narration complètement différente d'un jeu très couloir, parce que Zelda, c'était dans les tout premiers, c'était du monde ouvert, mais si tu prends un Skyward Sword, ça reste hyper couloirisé, c'est des zones très ramassées, un peu comme l'était un Witcher 2, et la problématique, elle n'est pas du tout la même. Moi, je ne pense pas qu'il révolutionne, parce que je ne pense pas qu'il y ait de révolution possible. En fait, il prend des éléments de plein de jeux, il fait en même temps du Zelda, et simplement, il est sublime, et il inverse une proposition. Pour moi, en fait, le principe de Zelda, c'est que tu deviens aventurier et tu deviens un cartographe, c'est-à-dire que que l'inverse des mondes ouverts, c'est qu'on te dit, regarde, dans mon monde, il y a plein de trucs, tu vas pas les découvrir, mais je vais te dire que au nord, il y a ça, au sud, il y a ça, à l'est, il y a ça, à Zelda, tu es là, tu te dis, bah, j'ai ma carte, bah, je vais découvrir les tours, et ensuite, je vais devoir mettre mes points sur cette carte, dire... dessiner ma carte. C'est un peu la révolution quand même, cet aspect-là, on va dire. Alors le mot révolution est peut-être fort, mais en tout cas, il fait table rase de ce qui a été fait sur certains aspects. Justement, cet aspect carte pleine de points d'interrogation, etc., en se disant, quelque part, en osant te mettre une carte complètement sombre, et éventuellement tu la découvres, mais comme disait Elohim, tu découvres juste une topographie, genre là c'est élevé, là c'est pas élevé. Bah, et puis il t'indique rien du tout, quoi. T'es lâché à toi. Ça, quand même, moi j'ai trouvé que c'était un peu osé. Skyrim le faisait un peu quand même. Voilà, alors, moi j'ai pas joué à Skyrim, mais c'est vrai que moi, voilà, dans la plupart des open world entre guillemets que je fais, même les GTA, etc., t'as toujours un point, une étoile, aller voir un truc qui clignote, ton cousin Tony, aller chercher, enfin j'en sais rien, une connerie comme ça. Là, pas du tout, quoi. C'est vraiment, t'as rien. Mais en fait, cette liberté, moi j'ai trouvé que c'était, c'est pas révolutionnaire, mais c'était audacieux de prendre quelque chose, des codes très finalement déjà ancrés dans le monde ouvert, et de s'en dire, bah, est-ce qu'ils sont vraiment utiles, et même au contraire, est-ce qu'ils nous limitent pas. Et en fait, en les enlevant, ils se libèrent de quelque chose, je trouve. Je sais pas si Elohim, t'avais quelque chose à ajouter. Ça, bah, c'est ça, moi je pense que c'est pas une révolution, mais ça redistribue un peu les cartes du monde ouvert tel qu'on l'abordait avant, en prenant un peu le meilleur de chaque, mais en apportant vraiment une patte différente. Je sais pas si on peut aborder le jeu en le voyant pas comme un Zelda, parce que je sais pas si vous avez vu les critiques des joueurs ou des gens qui étaient étonnés de voir des notes aussi grosses sur le jeu, mais tout le monde disait que c'était pas... Ah ouais, mais les gens sont plus cléments avec un Zelda, c'est pour ça qu'ils ont mis 10. Et c'était sans doute le cas pour les Skyward Sword qui avaient des notes n'importe quoi. Mais là, c'est différent. Là, je pense que si on arrive à aborder le jeu sans être un Zelda, il y a ce côté aventure que j'ai jamais vécu ailleurs, en fait. C'est vraiment ce côté découverte et d'être pris dans l'aventure et non pas dans le scénario, comme c'était le cas de The Witcher, qui le faisait hyper bien. Ouais. Zelda, ils font pas du tout, on s'en fout, le scénario il est nul, enfin tu vois, il est plus sympa que les autres, mais il est pas, c'est pas le but du tout, et ils s'en foutent en fait. Et c'est vraiment le gameplay et la façon dont la carte se présente et dont toi t'as envie d'y aller qui est. C'est différent de tout ce que j'ai connu, hein, vraiment. Ça, c'est spécial. Ils s'en foutent tellement du scénario qu'il y a plein de trucs que tu peux ne pas voir. Alors que par exemple, un jeu comme Witcher ou les jeux comme Watch Dogs qui sont très scénarisés, les quêtes ils veulent pas que tu passes à côté parce que c'est normal, ils se sont fait chier à écrire des trucs hyper bien foutus. Donc l'idée c'est quand même de les montrer. Là il y a plein de trucs, il y a des quêtes, faut les voir. Hein. Les souvenirs machin, la quête principale avec les quatre bêtes, les machins, tu peux aller finir Ganon en 45 minutes quoi, comme ça, obligé de faire. Le montrer. Et quelque part, ça c'est pas révolutionnaire, le speedrun ça a toujours existé, mais quelque part se dire, tiens, tout le travail de programmation à côté, on s'en fout et vous pouvez aller le faire directement, c'est très révélateur de ce qu'ils ont voulu faire, et c'est genre faites ce que vous voulez, l'univers est à vous, allez-y quoi. Et puis moi je trouve que ça demande quand même un courage et une confiance en soi, parce que tu te dis, c'est Zelda, t'as quand même des bases, alors on les retrouve quand même, il y a des choses qui sont très Zelda, mais se dire on va complètement casser le moule qu'on avait mis, parce qu'avant c'était un truc, c'était presque un moule, c'est-à-dire t'avais l'objet, tu faisais ton donjon, le donjon il était lié à l'objet, tu battais le boss, tu le finissais et t'arrivais sur une autre région. En train de devenir étouffant, en fait. Oui, c'est ce que Aonuma avait dit, si on se renouvelle pas, on va mourir. Il parlait pas forcément que de Nintendo, mais de la licence Zelda elle-même. Et là, c'est, je trouve, de casser un moule qui était aussi fort que ça. Je trouve quand même que c'est assez rare, en fait, dans les séries. C'est hyper audacieux. Ça a ses inconvénients aussi, après avoir passé quand même une centaine d'heures dessus. Voilà, le fait d'avoir, par exemple, les quatre mécaniques de base, tu les as donc au bout de quoi, la première heure du jeu. T'es sur le plateau. Voilà, t'es sur le plateau, donc tu les as assez rapidement. Le fait de devoir toujours exploiter ces quatre mécaniques de base, ces quatre pouvoirs, on va dire, de base, après ton centième sanctuaire, ça commence à être un peu agaçant à la fin. Enfin, pas agaçant, mais quelque part, t'aurais aimé qu'il y en ait peut-être une aptitude qu'on découvre un peu plus tard. Mais ou quelque chose. Tu dis que t'es juste pas de mur pour aller voir Ganon ? Si, bah bien sûr. Après, c'est normal. Tu te dis, tiens, peut-être qu'il est temps maintenant que j'aille explorer non plus les limites de mes pouvoirs, mais la limite de ma force tout court, quoi, et d'aller voir le monstre final, quoi. Donc, c'est bien. C'est aussi amené. C'est aussi une logique et une réflexion sur le game design, encore une fois. C'est te dire, bah là, tu n'as peut-être plus grand chose à faire. Va faire la fin du jeu. Parce que t'as 110 heures, tu roules sur tout le monde, quoi. Là, je roule sur tout le monde. Là, il n'y a plus aucune difficulté. Je rentre dans un sanctuaire, c'est terminé en 2 minutes. Je vois un boss, c'est terminé en 2 minutes. Enfin, même en 15 secondes. Alors qu'on avait dit, moi, je le trouve encore, je trouve que c'est un jeu assez difficile. Alors c'est un jeu dans lequel je meurs souvent. Au début, j'ai eu des game over, il y avait des croix partout, rouges, près du sanctuaire. C'était blindé de croix rouges autour de mon sanctuaire, de départ. Quoi. Je rencontrais le moindre mogoblin, je mourais. Quoi. Maintenant, les gars, je roule dessus avec mon cheval, je les vois même plus, je m'arrête pas. Enfin bon, c'est ridicule. Et voilà, donc il y a cet aspect-là, et c'est un peu du game design en soi, mais c'est vrai qu'il y a un risque là-dessus sur le game design en soi. C'est comment réinventer un Zelda où effectivement tu gagnais ton boomerang, tu devais battre ton boss avec ton boomerang. Quoi. Là, finalement. Non, il n'y a pas du tout ça. Et ça, c'est moi, j'ai trouvé ça, c'était vraiment super audacieux. D'autant qu'on voit beaucoup de vidéos où des gens résolvent des énigmes pas du tout comme elles sont prévues. Mais moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, j'étais bloqué dans certains trucs. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai tenté pendant deux ans. Genre un type qui met une bombe en dessous d'un bloc, il saute avec la paravoile, il arrive à sauter très très haut, donc il passe directement par-dessus la barrière. Tout à l'heure, j'en ai résolu une. Je pense que c'était pas la bonne solution, mais je l'ai fait comme je tentais parce que j'y arrivais pas et ça a marché. Parce qu'il faut dire, il y a plein de trucs qui sont liés à la physique. C'est-à-dire, des fois, tu poses des. Notamment, il y a des fois des portes à récupérer avec ta télékinésie. Là, tu les poses un peu à un endroit brinque-ballant et des fois, ça marche. Je sais pas trop si c'était prévu pour ça, mais. Est-ce que c'était ça la solution de l'énigme? Alors qu'avant, c'était des énigmes presque mathématiques. C'est-à-dire, tu. Dans les Zelda, et c'était. Voilà, c'était. Si t'appuies pas sur le bouton, t'allumes pas la torche, c'est terminé. C'est ce que disait un des game designers, c'est que pour une fois, c'est un jeu qui privilégie l'intelligence à l'équipement. C'est-à-dire qu'il le comparait presque à Minecraft d'un certain côté. C'est qu'il y a une telle liberté dans la solution. Oui, je pense que c'est une des influences du jeu. Hein, beaucoup plus, à mon avis, que certains jeux dont tu as cité sur les jeux Ubisoft. Tu vois, la tour, bon, c'est pas non plus un truc que Ubisoft, ils ont pas inventé la tour dans le jeu vidéo. Non, bah non. Faut aussi un peu non, mais c'est tellement un lieu commun aujourd'hui. Oui, ben voilà. Mais, oui, alors, une dernière question pour conclure un peu cette partie Zelda, du coup. Est-ce que vous pouvez imaginer d'ores et déjà aujourd'hui des jeux à licence forte comme Assassin's Creed s'inspirer tellement de Zelda que ça deviendrait un peu comme ça? Est-ce que vous penserez que c'est transposable? Est-ce que c'est révolutionnaire parce que c'est Zelda et ce qu'il est devenu? Ou c'est un modèle de monde ouvert qui serait emballant d'imaginer pour d'autres choses comme des Far Cry ou Assassin's Creed? Tu vois, Assassin's Creed, moi je trouve qu'ils étaient pas loin quand on parle de celui où c'est les pirates là. Et Black Flag. Ils auraient pu s'approcher de ça avec cet aspect liberté d'explorer la mer, etc. S'il n'y avait pas eu justement trop d'objectifs marqués comme ça a été malheureusement. J'aurais adoré en plus le Black Flag. Et tu vois, Black Flag c'était plutôt un bon épisode. Et je pense qu'ils auraient pu donner plus de liberté et on n'était pas loin finalement de ce truc un peu où tu as envie d'explorer. Juste tu prends ton bateau, tu vas sur la mer, tu vois ce qui se passe quoi. Et quelque part, je pense que le modèle il était pertinent, il était un peu dans l'air du temps et ils ont réussi Nintendo à le trouver. Et je pense que maintenant il y en a beaucoup qui vont s'en inspirer. D'autres licences, ça vous. C'est plausible, c'est crédible? Je sais pas si ça se transposerait dans l'univers, hein. C'est ça le truc. Non, Elohim, je sais pas si t'avais un. Je pense que l'autre aspect que t'as effleuré tout à l'heure, c'est l'aspect physique du jeu. Pour moi, c'est le deuxième aspect le plus, entre guillemets, pas révolutionnaire, mais le plus changeant et marquant du jeu, c'est le côté physique et chimique du moteur. Mm. Le moteur est hyper puissant. C'est peut-être pas très beau, mais c'est incroyablement puissant de voir à quel point on peut conduire l'électricité avec une arme pour résoudre un puzzle alors que c'était pas du tout prévu pour. Et le fait que les éléments interagissent entre eux, si ça c'est réutilisé dans d'autres jeux, ça peut être super. Pas que dans des jeux à monde ouvert, mais peut-être dans des jeux à résolution ouverte quelque part. Et je sais pas si Nintendo va le réutiliser pour le Mario Odyssey par exemple, ou je sais pas, hein, peut-être pour une suite quelconque, mais fait que maintenant ils aient découvert ce côté-là physique et chimique du moteur qu'on peut jouer avec d'une autre manière. Ça c'est fabuleux. Ouais. Mais c'est un sacré casse-tête pour les développeurs aussi, hein, parce que ça veut dire que. On le voit avec Prey et avec un peu Dishonored, le fait qu'on laisse la liberté au joueur, l'intelligence du joueur d'arriver à résoudre quelque chose, je pense que ça pourrait être un truc qui devrait développer. C'est deux aspects très intéressants, je trouve. Et en plus, c'est quand même on parle de moteur physique, de moteur chimique, mais c'est quand même un jeu qui a très peu de bugs. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai pas trouvé pour un jeu quand même qui est aussi où finalement tu pourrais faire tout et n'importe quoi. Moi, j'ai pas vu tellement de bugs. Non. J'ai juste. T'es pas bloqué quoi. Tu te bloques pas dans un coin comme ça peut être le cas dans notre AA, peu envoyé en précipitation. Je crois qu'une fois, j'ai vu j'étais en train d'escalader et il y a en fait je sais pas pourquoi, un taureau est descendu de la falaise. Je ne sais pas si tout ce qui était là. J'entendais des bruits de taureau qui devaient tourner en rond. Tu l'as pris en photo, j'espère. Non, j'ai pas eu le temps, mais j'étais en train de grimper et le taureau il descend là. Alors, pas très bien parce que tu sais là le moteur physique devait faire que c'était pas prévu qu'il y ait un taureau qui descende, enfin c'était bizarre en fait, il est tombé un peu tu sais, il est tombé droit quoi. Et il marchait à 90 degrés quoi. Mais moi il y a des trucs qui m'ont fait halluciner. Rapidement j'avais juste une anecdote sur un truc qui m'est arrivé, c'est tout con, mais en fait des fois il y a des sanctuaires et autour t'as des espèces de ronces que tu dois mettre en feu. Alors moi je joue en mode pro, c'est à dire que t'as pas la carte et t'as pas les indications du temps qu'il va faire, donc ce que je m'étais dit, j'avais plus qu'une flèche qui n'était pas une flèche de flamme, donc j'ai allumé un feu. Donc tu prends un silex, tu coupes du bois, tu fais du bois, tu prends un silex, tu prends ton arme en métal, tu allumes, tu fais du feu, et après tu mets. tu arrives à ce cheminement-là. Après, je prends mon arc avec ma dernière flèche non enflammée, je la mets dans le feu pour que ça. Et au moment où je tire, il pleut. Juste vraiment, tu vois, pile au moment. Vraiment, pile au moment, je fais putain, j'avais plus qu'une flèche, tu vois le truc. Donc ma flèche, elle part, mais elle s'est éteinte avant d'atteindre la ronce. Allez, boule. Tu vois, c'est des trucs tout cons. Non, mais moi, j'étais, ça m'est arrivé. Et après, je me suis dit, bon, je vais partir, j'ai fait autre chose, tu vois, parce que je pouvais plus faire parce que les ronces, tu peux pas. C'était au milieu d'une étendue d'eau. Ouais, moi, ça m'est arrivé. Le truc quasiment identique cet après-midi où j'étais dans un truc où il fait très chaud et tu sors ton arc, il prend feu, quoi. Ah oui, ouais, détruit. Et donc là, moi, j'étais genre comme un con parce que j'avais ma flèche en feu où je voulais une flèche de glace, hein, à la base. Donc voilà. Du coup, après, j'ai switché comme un con, j'ai utilisé une flèche explosive qui m'a explosé à la gueule, du coup, tout de suite parce qu'il fait trop chaud. Donc elle m'a explosé la gueule. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Oui, selon le matériau, t'es. Selon le matériau, qu'il y a rien de plus jouissif que de lancer une arme lorsqu'il y a des éclairs, ouais. Tu vois, et tu la lances sur un ennemi, il se fait électrocuter par l'éclair qui allait tomber sur toi, quoi. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Enfin. Donc, ce qui a l'air de vous marquer le plus dans le Zelda, c'est le monde physique plus que l'exploration. Je voulais répondre juste à ta question. Je suis très curieux de la réponse à cette question. En fait, parce que pour moi, il y a deux tendances dans le monde ouvert. Parce que déjà, le monde ouvert, c'est pas un genre de jeu en soi, c'est un univers, c'est un décor. Mais il y a, on va dire, un monde ouvert très narratif, Witcher 3, GTA qui fait vraiment de la narration. Et finalement, dedans, le gameplay, la physique sont. Alors, GTA, c'était à moins le cas au début, il faisait beaucoup ça, mais depuis le 4 et le 5, on est vraiment passé à un GTA où on va essayer de te raconter des histoires, puisque souvent il y a plusieurs personnages. Witcher le fait aussi. Et on a aussi, d'ailleurs, Ubisoft, quand ils avaient fait leur déclaration, c'était presque une déclaration sur le retrait du narratif. Ils avaient dit, on peut plus faire des jeux. Alors, les gens ont pris ça pour dire, ah ben non, ils veulent plus faire ça, c'est parce qu'ils savent pas raconter des histoires. En fait, je pense qu'ils veulent dedans que les gens, un peu comme dans Zelda, et je pense que Zelda, ça sera peut-être une influence sur les jeux d'Ubisoft. D'ailleurs, dans l'article du Monde, il y a Tommy François donc, qui bosse chez Ubisoft, je sais plus vraiment son rôle. Il a les IP chez les IP Ubisoft. Chez Ubisoft. Et je pense que cette idée d'avoir presque ce qu'on appelle le gameplay émergent, c'est-à-dire tu n'as pas vraiment d'histoire, mais c'est le joueur qui se raconte sa propre histoire, je pense que ça peut les influencer, comme disait Elohim, sur les moteurs physiques, sur les moteurs chimiques, travailler des choses. Alors c'est compliqué parce que si tu fais un moteur physique très très puissant, ton jeu il va en souffrir un peu graphiquement. Et on sait qu'aujourd'hui, bah, les développeurs vont plutôt choisir un jeu qui a beaucoup d'effets, qui a beaucoup de. Pas forcément des choses utiles pour le gameplay, mais des choses qui se voient vraiment visuellement. Et je pense qu'il y aura peut-être deux tendances, un monde ouvert très narratif comme Witcher et comme GTA, et un monde ouvert, on verra ce que fera Red Dead Redemption cette année, vers quoi ils vont partir. Et en même temps, Ubisoft et peut-être Nintendo qui vont plus chercher à ce que le joueur, ça revienne une sorte de bac à sable, puisque finalement, Zelda revient un peu à l'aventure, au bac à sable, à la façon dont tu peux. Moi, je trouve que tu es vraiment cartographe de l'univers, aventurier de cet univers. Et ce que font pas tellement les autres mondes ouverts qui sont très balisés, très normés, très point A, point B, je vais à cette quête, je vais voir l'autre, tu vois. Quand tu disais les quêtes, elles sont pas différentes, mais les quêtes en soi, les quêtes secondaires dans Zelda, elles ont pas tellement d'intérêt. Enfin, c'est pas là qu'est l'intérêt du jeu, c'est vraiment sur l'exploration. Donc je pense qu'il peut y avoir deux tendances qui sont pas forcément, qui vont pas se rencontrer ou qui sont un peu différentes, quoi. Ok. Voilà, bah, si vous avez d'autres choses à ajouter sur Zelda. On aime plutôt bien, quoi. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde aime plutôt bien, écoutez. Hein. Mais moi, cette question, je l'ai souvent vue, ces questions. Ah ouais, non, mais en quoi c'est révolutionnaire? En quoi Assassin's Creed faisait ça? Non, c'est parce que tant que t'as pas eu le jeu en main, c'est difficilement appréhendable. C'est pas que le jeu en main, c'est quand tant que t'y as pas passé 5 heures à te dire, tiens, je vais sortir du plateau. Et en fait, rien que le temps à jouer dans le plateau avec tes conneries, tu prends tellement de plaisir que, enfin, là tu commences à comprendre qu'en fait il y a quelque chose derrière ce jeu. Ouais, je pense que si t'es un joueur qui aime le level design, le game design dans un jeu vidéo, c'est un peu une leçon, pas forcément une leçon dans le sens où genre c'est une claque, c'est le truc le plus. Moi j'aime pas aussi ce côté, c'est le plus grand jeu de l'histoire du jeu vidéo, le plus grand jeu de l'univers. Non. Mais si tu t'intéresses au jeu vidéo, il y a plein de choses qui font où tu te poses des questions. Ouais. Tiens, pourquoi ils ont choisi ça en tant que game design? Pourquoi ça, ce level design, ils ont fait ça comme ça? Pourquoi? Tu vois, il y a plein de questions que. Et je pense pour ça que beaucoup de créateurs en parlent, parce que c'est un jeu qui pose beaucoup de questions en fait sur la façon de faire un jeu vidéo. C'est pas qu'une question de Zelda, Nintendo. Je pense qu'il faut aussi sortir un peu de ces débats. Mais c'est un vrai point de vue. C'est un vrai point de vue que Nintendo a donné. Nintendo a dit, bah écoutez, pour nous, un monde ouvert, ça doit être comme ça. Et là, voilà, c'est vraiment une. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'il faut dire ils utilisent les autres jeux ou ils révolutionnent les autres jeux. Non, moi, je pense qu'ils synthétisent ça comme ça. Ils amènent cette vision-là. Et... Ouais, voilà. Mais voilà, ça peut être pris comme un truc qui fait. Je pense que dans l'article, ils le disent aussi, ça fait avancer le jeu vidéo. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est la conclusion du article. Ça rend, à mon avis, le joueur intelligent. Mais c'est toujours ce que j'ai aimé chez Nintendo, c'est qu'ils cherchent à parler à l'intelligence du joueur. Alors qu'il y a beaucoup de jeux qui s'en foutent un peu de l'intelligence. Toi, c'est un peu comme Columbo. Mais il présume de son intelligence. Enfin, tu vois, ils présument de ton intelligence. Et ils savent que quelque part, tu vas t'en sortir et que tu vas faire des trucs cool, quoi. Et ils t'obligent pas à le faire, mais c'est à toi de le faire, quoi. Non, mais c'est bon. Voilà, donc on va encore y passer quelques heures. On va encore y passer quelques heures sur Zelda. On va quand même parler un petit peu des autres créateurs dans les news de jeux vidéo. On va parler de Sony, on va parler à nouveau de Nintendo. On va commencer avec Julien, avec Sony notamment. Hein. Je crois que tu voulais parler. Oui, parce que j'ai intitulé la news du berger à la bergère, puisque en fait, dans le précédent Upcast, je vous parlais du Xbox Game Pass, donc qui était un service d'abonnement mensuel pour jouer chaque mois à 100 jeux Xbox qui venaient et sortaient d'une sorte de coffre où tu avais ces 100 jeux. Donc la Sony, ils ont fait une annonce qui va un peu dans le même sens. Hein. Déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez de Gaikai. Si, Gaikai, bien sûr. Donc Gaikai, la boîte entre autres du génial David Perry, donc c'est le créateur d'Aladdin, de Mega Drive et de Horseward Jim, hein, à pas confondre, ça je dis ça pour Dim, avec l'acteur porno David Perry du même nom, qui a lui aussi un verre de terre mais qui en faisait un tout autre usage que Horseward Jim. Voilà, donc ça c'est pour les... C'est pour Dim, hein. C'était parce que je voyais que là, pendant la partie Zelda, il était un peu endormi. Je sais pas, il devait être en train de jouer à Witcher 3 ou à regarder Star Wars. Non, je peux. Voilà, donc Gakai, c'était en fait une boîte qui avait été fondée en 2009. C'était une boîte de cloud gaming qui permettait de jouer à la demande sur un serveur qui était déporté et qui a été en fait racheté en 2012 par Sony. Et à l'époque, ce qui avait beaucoup surpris, c'était la somme que Sony avait mise, c'était 380 millions de dollars. Depuis, en fait, ça avait donné le PlayStation Now. Alors, PlayStation Now en France, c'est pas quelque chose qui a été très démocratisé. Je sais même pas si c'est finalement toujours en bêta, si c'est disponible. Ça n'a vraiment jamais été trop vu en France. Et pour le coup, on pouvait jouer à des jeux PS3. C'était uniquement sur PS3. Et ça marchait aussi sur certaines télés. Alors ça, ils l'ont enlevé, mais apparemment, à l'époque, tu pouvais jouer sur des télés Samsung en payant ton abonnement et directement jouer sans avoir de PlayStation. Donc ça pouvait être intéressant. Et là, en fait, il y a quelques jours, Sony a annoncé que le PlayStation Now accueillerait des jeux PS4. Donc là, quand même, tout de suite plus intéressant. Un peu comme une réponse utilisée du berger à la bergère de Microsoft. On ne sait pas encore quel titre Sony va proposer. On sait juste qu'on aura un affrontement de cloud gaming versus téléchargement. Parce que d'un côté, Sony, c'est du cloud gaming avec la solution qu'ils avaient rachetée à Gakai. Et Microsoft, c'est du téléchargement. Donc, comme un peu le PlayStation Plus ou le Xbox Gold, tu récupères le jeu directement sur ton disque dur. Intéressant. Donc, voilà. Est-ce que, en même temps, ça, c'est intéressant, je trouve, pour les joueurs PC. Hein, parce que finalement, si un PC, tu pourras peut-être jouer avec un abonnement pour, je sais pas, 10 euros par mois à tous les jeux PS4 et tu peux déjà jouer à pratiquement tous les jeux, les jeux Xbox One. Ça devrait. Puis, ouais, non, mais le PC va peut-être être encore le grand gagnant. Je trouve que l'annonce est intéressante. Sony se laisse pas faire quand même. Hein. Alors après, ça dépend ce qu'ils mettent comme jeu. Hein. C'est sûr que s'ils mettent Knack et. Ah merde. Oh, toujours Knack. C'est vrai que c'est un peu la chute facile. Knack. Je te laisse continuer tes news. Je sais que tu en as encore quelques-unes que tu voulais peut-être enchaîner sur la réalité virtuelle. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Oui, parce qu'il y a eu pas mal d'histoires, de procès, de petites affaires dans le monde de la réalité virtuelle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce grand homme et poète du football qui disait « Eh bien, ces deux-là, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. » Voilà, ça c'est pour les gens qui pour Thierry Roland. C'est pas dans Journal au bout, ça? Peut-être que tu sais, dans les jeux, ça a dû être repris dans les commentaires. Parce que je sais qu'il y a des jeux de foot où il le disait. Parce que je me rappelle de Jonah Lebout avait des commentaires très fleuris comme ça. Ah, c'est possible. Parce que c'est devenu un peu une expression, un peu maintenant tout le monde l'utilise dans les commentaires sportifs. C'est vrai. C'était Thierry Roland qui disait ça, ils passeront pas leurs vacances ensemble. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de. Voilà. Et donc ça s'appliquerait bien à John Carmack et à ZeniMax. Donc je vais récapituler assez rapidement ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2017 entre les deux parties. Donc d'un côté, on a John Carmack. Donc John Carmack, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le légendaire cofondateur et programmeur d'id Software, ou ID Software, si vous voulez le prononcer comme ça. Normalement, c'est plutôt id Software, je crois. Doom et Quake, hein, donc des grands noms du FPS. Et depuis 3 ans, c'est le directeur technique de Oculus VR qui fabrique forcément l'Oculus Rift. Et de l'autre, on a ZeniMax, qui est la maison mère, entre autres, de Bethesda, donc Skyrim, Fallout. Donc début février, le tribunal de Dallas a condamné Oculus VR à une très lourde amende de 500 millions de dollars. Donc ça, je ne sais pas si vous aviez suivi. Donc 500 millions de dollars à verser à ZeniMax concernant la propriété de la technologie derrière l'Oculus Rift. Donc là, on présupposait du viol de projet, puisque finalement Carmack était passé d'une maison à l'autre. Donc on était loin des 4 milliards réclamés par ZeniMax, hein, puisque l'expert judiciaire du procès avait conclu que le code de l'Oculus n'était pas le même que celui revendiqué par Bethesda. Donc en fait, ça écartait tout soupçon de détournement de secret industriel, et donc ça réfutait l'idée qu'Oculus VR aurait utilisé la technologie développée par Carmack lorsqu'il bossait chez ZeniMax. Par contre, même s'ils n'ont pas eu 4 milliards à payer, les 500 millions... le tribunal n'a pas complètement innocenté Oculus VR, puisque Palmer Luckey en eau trouble en ce moment, hein, il se fait très discret, on ne sait pas trop où il est. On en avait parlé à l'époque où il y avait la grande réunion Oculus, il n'était pas là, enfin on ne savait pas s'il allait venir. Lui, il a été reconnu coupable d'enfreindre la clause de confidentialité signée avec ZeniMax, en rentrant en contact avec Carmack en 2012. Donc les 500 millions, c'était 200 millions que Oculus VR devait payer pour violation de l'accord de confidentialité et 50 millions de dollars pour atteinte aux droits d'auteur. Oculus VR et Palmer Luckey, eux, écopaient chacun d'une amende de 50 millions de dollars pour fausse appellation d'origine. Et l'ancien PDG Brendan Irebe prend, lui, une amende de 150 millions de dollars pour fausse appellation également. Donc c'était vraiment... c'était pas violation du... du comment du, du de propriété intellectuelle, mais c'était comme ça des affaires annexes qui représentaient quand même 500 millions de dollars. Donc John Carmack, lui, il n'avait pas été condamné alors qu'il était accusé d'avoir emporté illégalement des éléments confidentiels en passant d'une société à l'autre. Et ZeniMax, par contre, avait maintenu sa plainte contre lui. Donc le procès a surtout évité à Oculus VR et donc à Facebook de devoir stopper la vente de l'Oculus Rift, qui pour le coup a été un peu catastrophique, un peu catastrophique à la fois pour Oculus Rift et même pour la VR en général, parce qu'on sait que c'est pour l'instant une technologie qui est naissante, enfin qui a du mal à percer, on va dire, commercialement. Donc nouvelle péripétie il y a 10 jours, qui n'a techniquement pour le coup rien à voir avec le procès dont je viens de parler, mais qui montre en fait les relations compliquées entre Carmack et ZeniMax, puisque John Carmack poursuit en justice ZeniMax, arguant que ce dernier n'a pas respecté son contrat au moment du rachat de id Software en 2009. Donc lui, il réclame 22,5 millions de dollars, soit la somme que Carmack aurait dû selon lui encore percevoir en tant qu'actionnaire majoritaire du studio, et que ZeniMax, 8 ans plus tard, ne lui aurait toujours pas versé. Donc voilà, un peu des arriérés de paiement, mais d'une somme quand même assez, assez importante, 22 millions. Donc Carmack a déclaré à propos de ce contrat « La jalousie n'est pas une raison valable pour rompre un contrat », ce à quoi un porte-parole de ZeniMax a réagi, apparemment dénué de remords et nonobstant la preuve de ses nombreux actes déloyaux et infractions, M. Carmack a décidé de recommencer, faisant référence à une première plainte de Carmack sur ce contrat qui avait été rejeté. Donc on voit que, c'est pas si techniquement les deux affaires judiciairement n'ont pas de rapport, mais on sent qu'il y a des règlements de compte. Il y a quelque chose de pourri au royaume de la VR. Voilà, c'est pourri au royaume de la VR. On sait que même Mark Zuckerberg, il n'avait pas été entendu tout ça, mais c'était quand même quelque chose qui jetait un peu un voile assez sombre sur l'avenir d'Oculus Rift à l'époque. Alors, c'est 500 millions, je ne sais pas si c'est beaucoup pour eux, mais c'est vrai que s'ils avaient dû repenser toute leur stratégie autour de la VR, ça aurait été quand même assez compliqué. C'est sûr. Je vais continuer, je vais reprendre un peu la parole et je vais reparler un peu de Nintendo assez rapidement, puisqu'on a eu un peu une sortie de Nintendo sur Super Mario Run, Super Mario Run qu'on vient enfin d'avoir sur Android. Alors moi, je n'ai pas d'iPhone, donc je viens seulement de commencer à avoir la disponibilité de Super Mario Run. Et voilà, on a eu des statistiques qui sont tombées, 78 millions de téléchargements en février, un peu moins de 4 millions d'utilisateurs payants pour Super Mario Run à la même date. Et on a eu le président de Nintendo qui s'est exprimé sur ces chiffres et qui était assez mesuré dans ses propos, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a dit au Nikkei que les résultats de Super Mario Run n'ont pas répondu aux attentes, je le cite. Voilà, malheureusement pour eux, ça n'a pas eu le succès escompté. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'ils remettent en cause le modèle qu'ils ont mis en place, à savoir le modèle payant, donc je ne sais plus comment il l'appelle, le free-to-play, Free to start, donc c'est gratuit de commencer à jouer, mais après effectivement il faut payer et une somme assez rondelette ma foi. Donc ils ont essayé de faire du free to play avec Fire Emblem Heroes, mais ils vont quand même garder plutôt, même si Fire Emblem Heroes a plutôt bien marché pour le coup, c'est plutôt vers le modèle économique de Super Mario Run qui vont continuer à se tourner, même si malheureusement ils sont déçus par les résultats. Néanmoins, rappelons que c'est pas que le but de gagner de l'argent avec Super Mario Run pour Nintendo. Le but, c'est avant tout, il l'avait dit à l'époque, de faire un peu connaître et faire voir ses mascottes régulièrement à tout le monde, un petit peu, à tous les utilisateurs de téléphone, pour pouvoir un peu rappeler qu'ils existent et qu'ils sont également disponibles sur leur console de salon. Bon, c'est vrai qu'on peut comprendre cette réaction un peu mesurée de Nintendo sur ce demi-échec finalement de Super Mario Run. Demi-échec quand même que moi, je suis pas tellement étonné finalement de cet échec avec un prix quand même de 10 euros, rappelons-le, pour cette application, alors qu'on a par exemple des Rayman Run qui sont autour de 3 euros, quelque chose comme ça. Et qui ont bien plus de contenu. Qui ont plus de contenu et une qualité, même certains disent, supérieure. Alors moi j'ai testé que non, pour moi non, mais tout reste que discutable. Mais bon, c'est un bon jeu, Rayman Jungle Run, j'aimais bien. Rayman Jungle était effectivement un bon jeu. Il y a le côté que beaucoup critiquent, parce que je suis allé chercher quelques critiques sur Reddit pour voir un peu ce que les gens disaient de cet article-là, et les gens s'étonnent pas tellement non plus. Dans le sens où, effectivement, il y en a beaucoup qui soulignent que devoir jouer avec une connexion Internet, ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'ils ne peuvent pas jouer dans les transports. Quoi. Et donc, pour un jeu snacking, c'est un peu dommage. Quoi. Donc, et puis aussi, finalement, il vient de sortir seulement sur Android et la hype est déjà un peu retombée en termes de communication. Ils ont mis beaucoup de temps à le sortir, 3 mois. Ils ont mis, toi, tu l'as eu il y a quelques mois, effectivement. 3 mois, je crois que c'était. C'était à Noël, en décembre. C'est une éternité dans le monde des jeux vidéo sur mobile. Donc, voilà, un Super Mario Run, malheureusement, un demi-échec pour Nintendo. Mais c'est marrant parce que ce modèle, tu peux te dire, c'est marrant parce que finalement Fire Emblem Heroes a l'air de bien mieux marcher proportionnellement à ce qu'ils en attendaient, et c'est le modèle traditionnel des free-to-play japonais. Voilà, alors que là Mario, ils se sont dit, on va arriver avec une offre, bon c'est Mario, on peut le vendre plus cher. Et peut-être que c'est le modèle qui n'était pas bon. Après, peut-être s'ils avaient fait payer chaque monde, 50 centimes ou 1 euro. Ou si le jeu avait coûté 4 euros. Il aurait fallu beaucoup plus de contenu, que ce soit beaucoup moins cher. Mais là, pour si peu de monde. Plus de, un peu plus de free aussi. Alors, bah, je trouve pas que le jeu il se limite au monde. Hein. Il se limite aussi. Enfin, il peut se jouer aussi dans la version où tu affrontes des ghosts. Et voilà, il y a quand même plus de contenu que ce qu'on veut bien dire sur les 6 pauvres mondes. C'est comme si tu résumes un Mario plateforme à 6 mondes et après tu fais rien autour. Ouais. Voilà, moi je trouve qu'il y a, moi j'ai passé pas mal de temps quand même. Je trouve que c'est plutôt un bon jeu. Maintenant, je pense que le modèle il est pas du tout adapté au marché des mobiles. Voilà, c'est le modèle, pour moi, c'est le modèle économique qui est mauvais. C'est pas forcément le contenu, t'as des jeux qui ouais. sont qui ont pas beaucoup plus de contenu, mais enfin c'est, je pense qu'ils ont essayé de dire on va arriver avec un modèle différent et parce que c'est Mario ça a marché. Là, c'était un peu cher aussi, hein. Même si le modèle était différent. En plus le prix à payer à l'entrée était quand même assez élevé, 10€ pour une application. Ouais, mais je suis pas sûr qu'avec 4,99€ ça aurait plus marché. Tu vois, je pense que c'est une question de modèle en fait. Bon, enchaînons peut-être avec les autres news jeux vidéo si t'en as encore ou pas. Ouais, j'ai encore Nintendo. Bah vas-y. Parce que je parlais des procès dans la réalité virtuelle et là c'est une autre histoire de procès, celle qui est opposée Nintendo à Tomita. Et en fait, ça a duré pendant 6 ans de bataille judiciaire. Et là, pour le coup, il y a eu une issue. Alors, rappel des faits, à la sortie de la 3DS en 2011, Tomita Technologies accuse Nintendo d'avoir utilisé, sans payer de royalty évidemment, une technologie leur appartenant, celle de l'affichage de la 3D sans lunettes. En 2014, la justice condamne Nintendo à payer 15,1 millions de dollars à Tomita et surtout de payer 1,82% du prix de chaque console vendue. Donc ça, c'était quand même assez embêtant. Et c'est pour le coup, c'est pour ça que Nintendo avait sorti la New 3DS qui utilise un autre système de visualisation 3D pour éviter de payer, c'est à chaque fois, c'est presque 2% sur chaque console vendue. Et en fait, rebondissement dans l'affaire, puisque la Federal Circuit Court a écouté l'appel de Nintendo et a prouvé, test à l'appui, que Nintendo n'avait pas violé le brevet de Tomita. Donc ça veut dire que maintenant, donc, ils n'auront pas à payer les 15 millions et ne devront pas verser de l'argent sur les anciennes consoles. Voilà. Mais je pense que c'est ça qui avait aussi précipité la sortie de la New 3DS. Et... Pas fou les mecs. Et enfin, dernière news avec de la VR à nouveau. Ouais. Oui. Juste un truc, si je peux me permettre. Ouais, il y avait eu un procès aussi avec sur la Wii, qu'ils avaient gagné aussi. Je crois qu'il y avait une question à propos du détecteur de mouvement. Ouais, je sais plus quoi. Sur le motion gaming. Donc, c'est pas le premier procès qu'ils essuient, mais bizarrement, personne ne les a attaqués pour la Wii U. Ah, c'est bizarre ça. Personne n'a réclamé une part des ventes de la Wii U, c'est marrant. Ni la paternité du gameplay. Si ça fait 2€, hein. Si jamais tu réclames des paternités sur la Wii U, tu touches 2€. Bof. Un peu cher en avocat, quoi, pour 2€. C'est ça, ouais. Oui, je voulais juste parler un peu de VR pour finir. Hein. Je sais plus si c'était en fin ou en début d'année où on parlait du PSVR ici comme de la New PS Vita. On était assez cruel hein, tout de suite. Voilà, c'était pique, un peu polémique pour dire que la VR chez Sony, mais même d'une manière plus générale, hein, ça tombait un peu dans l'anonymat, voire dans l'oubli. Bah, on en parlait tout à l'heure. On ne voit plus trop déjà. On parlait du procès. Tu jouais toujours, vous, ou pas? Je crois que Julien t'a un peu laissé tomber. Non, en ce moment, je ne joue pas trop pour d'autres raisons, parce que je joue à Zelda et c'est toujours un peu compliqué à mettre en œuvre quand tu n'es pas tout seul dans une maison de jouer à la VR. Mais là, je vais m'y mettre parce que j'ai acheté Resident Evil 7, donc je vais le faire. Et non, je suis toujours intéressé pour y jouer. Maintenant, il faut voir qu'il y a des jeux qui sortent, mais on ne sait pas trop ce qu'ils valent. Il y a très peu de relais. Il y a une deuxième vague prévue de jeux d'ici la fin de l'année, je crois. Ouais, alors il y a des trucs Oculus là, ils vont sortir. En fait, l'idée c'est plutôt maintenant d'aller vers des gros jeux. C'est-à-dire que je pense que finalement ils ont ce côté expérience, ils ont l'impression que ça lasse les joueurs, enfin que les joueurs attendent d'autres choses. Et donc il va y avoir un Red Dead Dawn va faire un jeu pour l'Oculus. Il va y avoir aussi, il y a Farpoint qui arrive sur PSVR. Il y a eu Resident Evil, il y a Ace Combat. Bon, il y a Tekken, c'est bizarre de jouer à Tekken, okay. Mais pourquoi pas. Voilà, il y a peut-être des jeux peut-être un peu plus d'ampleur que les petites expériences que tu pouvais trouver au départ en fait. Okay. Justement je parlais de R7 et aussi je voulais en rajouter que comment le Oculus avait baissé déjà le prix du Rift. Ah oui. Voilà, donc il y a quand même des choses qui vont un peu dans l'idée de faire des jeux et je crois que c'était Cliffy B l'ancien de chez Epic qui a fait Gears of War qui disait il faut des vrais jeux et des gros jeux qui peuvent vraiment appuyer la technologie, des projets on va dire plus ambitieux que ce qu'on trouve notamment au lancement. Il y avait des très bons jeux mais tu vois un truc comme Batman, pourquoi ils l'ont pas fait sur 10-15 heures pour l'instant ils testent un peu le marché et donc là justement dans l'idée de ces gros jeux on a eu un dernier exemple en date, c'est Bethesda en fait qui a donné rendez-vous à l'E3 prochain pour essayer Fallout 4 VR. Donc quand même un gros jeu qui, ouais. qui est, là pour le coup voilà. c'est un bon nom là. Donc qui avait été déjà annoncé et ils ont dit qu'ils le verraient à l'E3 2017 et donc selon Todd Howard qui est le réalisateur de Fallout, ça devrait le faire hein. Voilà, il va pas dire le contraire non plus hein, c'est lui qui développe le jeu. Donc Fallout 4 VR, il dit c'est la chose la plus incroyable que vous ayez jamais vue de votre vie. Ça va voilà. être nul. C'est un peu comme le révolutionnaire de Zelda. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est d'y jouer en VR et de pouvoir tourner votre tête partout. Si c'est un peu le principe ouais, de la VR donc ça aurait été dommage de pas pouvoir en fait. Ouais. Qu'est-ce que dit Tarantino dessus C'est ça. Il dit fucking amazing experience. Ce film va vous mettre une claque. Alors, il dit vous n'allez pas en revenir, c'est la chose la plus folle que vous ayez jamais vue. Voilà, bah, on verra donc, ça bon. À l'E3. Enfin, en tout cas, voilà, on verra des gens l'essayer. Ouais, c'est surtout pour dire que voilà, un gros jeu comme gros Fallout, jeu, non, Fallout 4, quand même. Ça fait du bien à la VR parce que ça manque un petit peu. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en parle plus et on commence un peu à s'en désintéresser. On va enchaîner quand même. On est en train de prendre pas mal de temps. On va aller un peu plus vite, on vous le promet, sur la partie conseil et critique. C'est là où on a 8 conseils chacun, c'est ça ? C'est ça. Et la partie conseil critique, nous voici de retour. Et comme je le disais, merci de vous bouger le fion. Assez rapidement. On va commencer avec Dim, qu'on n'a pas trop entendu dans la partie jeux vidéo. Dim, tu vas nous parler justement d'un jeu vidéo qui t'a peut-être plu, j'ai l'impression, dernièrement sur 3DS. Ouais, voilà. Donc, je voulais jouer à un petit jeu, on va dire, sans prise de tête après mes 85 heures de Witcher 3. Donc j'ai choisi de jouer à Dragon Ball Fusion sur 3DS. J'avais envie de jouer de faire ce jeu grand 1, je suis un grand fan de Dragon Ball, et grand 2, ça faisait une paye qu'on n'avait pas vu débarquer en France un jeu de la licence autre qu'un jeu de baston. J'ai l'impression que tous les ans on a le droit à un Budokai Tenkaichi Prime Extreme Warrior édition de mes couilles et ça fait facile 10 ans que je suis en pleine overdose avec ça. Donc avoir un RPG débarqué, ça a forcément attiré mon attention. Alors pour parler du jeu en lui-même, techniquement il est plutôt chouette pour de la 3DS et est très fidèle au style d'Akira Toriyama. Le jeu se situe dans un monde créé par le dragon Sheron suite à un vœu où il n'y a plus de barrière d'espace-temps. Et tous les personnages de la franchise se croisent du premier épisode de Dragon Ball classique au dernier épisode de Dragon Ball Super. Donc bref, ça fait une bonne excuse pour avoir un hub géant où tous les persos emblématiques comme Sangoku, Vegeta ou d'autres persos plus secondaires comme la sœur de Bulma ou la mère de Sangoku peuvent se croiser. Et tout ça dans des lieux les lieux les plus emblématiques de la série. Le jeu propose de créer son personnage avec, comme tout bon RPG, une faction à choisir. Là, on a le droit entre humains, Saiyans, Namek ou autres. Le but du jeu est très simple, on doit former une team et en affronter d'autres. Le principal intérêt du jeu, c'est bien sûr le fanservice. Comme je le disais, on doit avoir 99,99% des personnages. Généralement, une fois qu'on les bat, ils peuvent intégrer notre team. Et vu le titre du jeu, on peut les faire fusionner ensemble. Et ça, c'est assez marrant, car ça peut donner des trucs bien étranges du style une fusion entre Piccolo et Tenshinhan, pour ceux qui connaissent la série. On peut customiser aussi les personnages en récupérant des techniques de combat. Alors, il y a la quête principale, la secondaire, avec des gros clins d'œil aux fans de la série. Il y a aussi des quiz quotidiens pour récupérer de l'EXP, avec des questions vraiment très, très pointues sur la série. Donc, ce qui est plutôt intéressant aussi. Et le principal défaut du jeu, c'est le manque de variété des combats. C'est du tour par tour qui, au fil des parties, devient un peu plus répétitif, malgré les possibilités de fusion et l'envie d'essayer de nouvelles techniques et les nouveaux personnages. Donc voilà, c'est toujours un peu pareil, soit du corps à corps, soit une boule de feu, soit un coup spécial, soit une fusion, on en fait vite le tour. Donc à vous de voir, c'est vraiment top pour les fans, et je pense vraiment juste pour les fans. On a toujours envie de se faire une petite partie pour collectionner des persos. J'ai jamais trop joué à Pokémon, mais j'imagine bien que ça doit un peu se rapprocher du concept. Donc voilà, un petit jeu sympa, mais réservé vraiment aux fans de Dragon Ball. Ok, bon bah écoute, Dragon Ball Fusion sur 3DS, je vais passer la parole à Elohim. Qu'est-ce que tu vas nous conseiller, Elohim ? Alors après tout le mal que j'ai dit du cinéma français tout à l'heure, enfin, entre guillemets, je baisse pas les bras quand même, et j'ai découvert deux comédies de Antonin Perachko. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Perachko, voilà. Et c'est La fille du 14 juillet et La loi de la jungle. Alors j'ai mis les deux ensemble, je sais que j'ai un peu triché avec la recommandation, mais parce qu'il a un univers bien à lui, justement, ce qui me manque un peu ailleurs. C'est une sorte de d'année 80-90 un peu fantasmée et étrange. Je ne sais pas comment on pourrait situer ça, mais c'est un univers un peu absurde. Donc La fille du 14 juillet, c'est une espèce de road movie à travers la France. Qu'une histoire d'amour et des personnages complètement tarés. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est difficilement descriptible et c'est vraiment l'univers et l'humour qui est vraiment particulier, quoi. Et La loi de la jungle, lui, c'est un peu plus simple à raconter. C'est un stagiaire qui se retrouve envoyé dans un dom-tom pour superviser un projet complètement taré du gouvernement qui est de construire des pistes de ski alors que il fait vraiment super chaud là-bas. Et lui doit se dépatouiller avec toute l'administration locale et l'absurdité du projet, quoi. Et voilà, j'ai pas grand-chose à en dire, juste jetez-y un œil. Si vous connaissez pas son univers, c'est vraiment super. Mais j'ai pas c'est vu, super je drôle. Pas, écoute. Si, ben, je pense que ça plaira pas à tout le monde, parce que c'est un humour un peu pince sans rire et qui est basé sur des situations. C'est pas du rire gras, c'est donc... Oh. Voilà, c'est spécial, mais je pense que si vous aimez l'un, vous aimerez l'autre, c'est sûr. Et moi, ça m'a fait marrer comme rarement, quoi. Un peu du non-sens. L'univers, quoi, je sais pas comment le rapprocher, mais il y a un peu du Wes Anderson dedans. Il y a un peu du, vous voyez, un peu cet univers un peu spécial, un peu. Ouais. Je sais pas, c'est un peu un autre monde, quoi, qui est pas mal, qui est vraiment super drôle. Ouais. T'en avais vu, Julien, toi ? Non, on en avait parlé parce que La loi de la jungle est sortie il y a pas tellement longtemps. Ça fait quoi, 6 mois ? C'est l'été dernier, je crois, ou l'été 2015 ou 2016. Et alors, je sais plus si on l'avait évoqué dans les sorties, tu sais, dans les 15 jours au ciné. Ouais. Mais ouais, moi j'avais entendu que c'était vraiment complètement atypique, un univers vraiment très particulier, et ça m'a pour le coup donné envie de le voir quand j'en entendais parler. J'avais entendu quelques critiques dessus, mais d'ailleurs je sais pas si ça doit être sorti en vidéo, mais après c'était un peu confidentiel, donc... Eh ben écoutez, donc Antonin Peretchako, La fille du 14 juillet, La loi de la jungle, hein, allez fouiller ça sur Amazon, sur Internet. Moi j'ai vraiment envie de le voir, La loi de la jungle. Et je conseillerais de regarder peut-être La loi de la jungle avant, parce qu'il est peut-être plus abordable, entre guillemets, et il est un peu moins bien. Moi, quelque part, je crois que j'aurais aimé voir celui-là avant parce que je m'attendais à un peu plus. Et donc, je pense que c'est mieux de le voir dans cet ordre-là. D'accord. Ouais. Bon, bah, écoute, c'est bien noté. Voilà. Et je vais laisser, du coup, pour terminer la partie conseil, la parole à Julien avec... C'est rapide aujourd'hui, on va dire. Bah écoutez, c'est comme ça. Hein, après déjà 2 heures de podcast, hein, il faut un peu se dépêcher. Après 2 heures, c'est tout ça. Qu'est-ce que tu lui conseilles, Julien ? Un album, un disque. Hein, un disque qui est sorti il y a 2 mois, et comme tu sais, dans la musique, tout va très très vite, dans le monde, tout va très vite, et au bout de deux mois, on a déjà oublié tous les albums qui sont sortis, tous les jeux vidéo qui sont sortis, et tous les films. Non, c'est le quatrième, alors le troisième album, parce qu'ils avaient sorti d'abord un mini-EP de Foxygen. Alors, je ne sais pas si ça te parle, Foxygen, si ça parle à quelqu'un. Donc Foxygen, c'est un groupe dont j'ai déjà parlé ici, parce que l'année dernière, je parlais des Lemon Twigs, hein, qui était un duo de Long Island. Donc ça, c'était il n'y a pas très longtemps, ça. Hein. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était produit donc par, je crois que c'était Jonathan Rado qui produisait, c'est un peu, les Lemon Twigs, c'est un peu les petits frères des Foxygen. D'accord. Voilà, c'est lui qui les produisait, et d'ailleurs Lemon Twigs est sur ce quatrième album qui s'appelle Hang. Foxygen, pour les présenter, c'est un duo californien qui est composé de Jonathan Rado et de Sam France, principalement. Après, il y a d'autres musiciens avec eux sur scène. Et on va dire qu'ils font un rock un peu 60s, un peu psyché, comme ce qui se fait, on va dire, beaucoup ces derniers temps. On peut penser, même Off Montréal a été un peu les précurseurs de ça, Management, Tame Impala aussi, Temples aussi, qui est un peu dans ce même style-là. Donc c'est reprendre un peu le rock 60s et garder la partie psychédélique en faisant des guitares un peu plus garage. Ouais. Voilà, donc ils avaient surtout été vraiment repérés pour leur premier, voire enfin, le deuxième album, si tu comptes le mini-EP, qui s'appelait We Are the 21 First Centuries Ambassador of Peace and Magic. Okay. Donc tout un programme qui était un album, pour le coup, bah, voilà, c'était super accueil, c'était un peu les nouveaux chouchous de la critique, avec, comme je disais, un son vraiment identifiable, très psyché. Et ils étaient revenus avec un double album après qui s'appelle Star Power, qui pour le coup avait complètement glacé la critique, pourtant qui était un très bon disque, mais qui était complètement un contre-pied de ce qu'ils avaient fait sur cet album, sur celui qu'ils avaient vraiment fait connaître. Donc avec une production vraiment très, très, très distante, des idées un peu jetées, un côté très bruitiste des morceaux. Donc, et là, ils reviennent donc avec un nouvel album en faisant un nouveau contre-pied par rapport à Star Power. Donc l'album s'appelle Hang. Donc c'est un album qui est toujours assez court, qui fait une trentaine de minutes, mais pour le coup là qui est ultra produit, c'est limite du pastiche et de la parodie, hein. on est entre le fil entre sur le fil entre la flamboyance et le ridicule, et c'est moi vraiment ce que j'adore, c'est-à-dire qu'ils sont le premier morceau, on dirait un peu une espèce de Stone genre Gimme Shelter mais un peu revisité, où ils envoient directement les violons, les cuivres. En fait, ils y vont, on ne va pas avec le dos de la cuillère, c'est ouais. Un peu ça. Et en fait, je voulais aussi parler de cet album parce que je dis beaucoup de mal de Queen. Et en fait, je trouve que là, eux, ils arrivent à faire des morceaux, à ce qu'on appelle des morceaux à tiroir. C'est un morceau qui fait 5-6 minutes et t'as l'impression d'avoir entendu 15 morceaux dedans, tu vois, un peu ce que fait Queen. Sauf que moi, je trouve qu'eux, ils le réussissent. C'est d'ailleurs le morceau que j'ai choisi pour la fin qui s'appelle America. Donc là, on est un peu, par exemple, le deuxième morceau qui s'appelle Avalon, c'est un espèce de truc, t'as l'impression d'être sur Broadway. Donc ça part complètement dans tous les sens. C'est une sorte de comédie musicale avec des chœurs, avec des choses hyper festives. Après, t'as un morceau qui s'appelle Mrs. Adams qui est un peu à la Van Morrison époque Astral Week. Après, t'as des trucs un peu qui ressemble à Lou Reed de Transformers, ou même parfois à du Bowie ou à du Sparks, parce que c'est un album peut-être plus glam que psychédélique, donc c'est un album assez festif, hyper en dedans. D'ailleurs, je disais la dernière fois, l'année d'avant, sur le Lemon Twigs, c'était un album hyper flashy, hyper chatoyant. Bah là, à côté, c'est encore puissance 10 à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour dire que tu peux faire des choses qui partent complètement dans tous les sens, mais te maintenir quand même sur le fil, là où n'arrivait pas à faire Queen, à mon sens. Oulala, attention là dans les commentaires, je sais plus qui aimait ça dans nos auditeurs. Ça va encore clasher. Ouais, c'est J-Bob. J-Bob, ouais, J-Bob, ouais. On est avec toi. Voilà. Donc c'est pour ça que je mettrai je vous invite à écouter America, donc le morceau que j'ai choisi, qui fait quoi, 5-6 minutes. Ouais, Foxygen America, ok. Voilà, et qui, pour le coup, il y a à peu près 15 morceaux à l'intérieur, et je trouve que ça reste quand même cohérent. Comparé à Bohemian Rhapsody. Donc, voilà, par exemple, à Bohemian Rhapsody. D'accord, ok. Bah, écoute, on écoutera ça du coup à la fin de podcast. On mettra ça avant la fin de podcast. On va parler des 15 prochains jours au ciné. Donc le 15 prochains jours au ciné, c'est le 29 mars déjà. Alors le 29 mars, pas grand chose, j'ai l'impression, pas grand chose. Le 29 mars, c'est après-demain. Oui, c'est après-demain, c'est ça. On n'a pas retenu grand chose en effet. Non, je vois du. Personne n'a retenu le film avec Kev Adams. J'arrive pas à comprendre le titre. On est toujours pas Gangsterdam. C'est par rapport à Amsterdam. C'est par rapport à Amsterdam. Ça, c'est gangster et Amsterdam. Voilà. Ouais, mais ça. Bien ça ne commence pas par le même mot ça en fait. C'est ça. Mot, c'est bien ça. Tu as bien compris. La blague ne fonctionne pas en fait. C'est un jeu de mots quoi. À mon avis, ça présume un bon film. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai vu que toi, Stan, t'as rien retenu. Non. Rien soyons clairs. Même pas Ghost in the Shell, ça me dit absolument pas. Dim a retenu Ghost in the Shell quand même. Dim. Quand même. Ouais, écoute, on en a déjà pas mal parlé. Rien à foutre, il est tard. Non, mais disons, moi j'ai quand même envie de le voir juste pour au niveau visuel, parce que je pense qu'au niveau de l'histoire, ça va être pas mal simplifié. Et là, je viens de remater en plus le film d'origine qui est quand même vraiment bien. Et je pense qu'il sera vraiment pas au niveau, mais visuellement, j'osais au moins espérer trouver quelque chose d'intéressant. On est curieux. Robert Saunders, qui avait fait le film Blanche-Neige, là, qui, quand même, visuellement, il y avait quand même des bonnes idées, je trouve. Donc, mais bon, je pense que t'es pas d'accord. Est-ce que tu penses qu'ils vont essayer de faire que les gens comprennent ce que c'est Ghost in the Shell? Faut être honnête, tu comprends pas. Tu vois le premier film, ou alors encore pire, tu regardes Innocence. Non, le deuxième, c'est incompréhensible. Ouais, Innocence, c'est dur. Innocence, c'est cryptique par volonté. Le but n'est pas de comprendre, en fait. Non, mais je veux dire, là, on parle d'un film hollywoodien qui doit s'adresser à un certain public. Mais peut-être qu'ils veulent nous faire ressentir les choses, hein. Ouais, j'ai vu quand même des premiers tours des journalistes qui ont pu le voir. C'est très américanisé et voilà, c'est super simplifié. Sur l'affiche, il y a marqué « On comprend tout » avec un point d'exclamation. J'ai tout compris. Moi, j'ai quand même eu l'impression de voir une production Besson. Quoi. Ouais, ça ressemble à du Besson. Ouais. C'est peut-être à faute. Et puis le remix de la musique. Là. Oh là ah là là, ouais. Je sais pas qui a remixé ça. Mais ça s'est bien fait tracher. Pour nous consoler de Ghost in the Shell, on aura qu'à aller voir Baby Boss. Ouais, il y a Baby Boss quand même. Sinon, il y a Baby Boss. Donc, fait partie de la trilogie des Baby Cart, des Baby Driver. Je sais pas si Baby Cart et Baby Boss, je le montrerai aux mêmes personnes. Très honnêtement. Il y a un enfant dedans aussi. Ouais, c'est dans ça. Dans un landau. Voilà. Oui, non, Baby Boss, moi je le mets parce que forcément j'ai une fille. Et forcément, elle a vu la bande-annonce et forcément, elles ont beau deux, les filles, moi je trouve. Non, mais ils ont fait un marketing sur Baby Boss. Une fois que t'as un enfant, c'est mort, t'es obligé d'aller le voir. Parce qu'ils ont jamais vu autant de pubs pour un film pour enfants, je crois. Alors, c'est en fait un bébé qui arrive dans. J'ai entendu parler. Ah bah tu vas voir. Même moi, j'en ai entendu parler, j'ai vu les bandes-annonces. Je sais pas si ça arrive au Canada bientôt, mais c'est monstrueux en France. Il y a des pubs partout. Baby Boss, c'est le truc à voir avec tes enfants. Et alors, le pitch, c'est un bébé qui arrive dans une famille et qui va un peu faire un peu ce que fait. Boss, quoi. Non, mais qui va faire un peu ce que fait Lotso dans Toy Story, il va un peu fédérer tous ces gens pour les tenir sous sa coupe. C'est un petit côté à le moment où il se bébé. Un peu, ouais. Ah non, il parle, fait pas non, ça. Non. Bah si, il parle. Oui, ouais, il parle. C'est le seul point commun. Mais c'est plutôt côté parrain, quoi. Le parrain, voilà, c'est un peu le parrain. En fait, il cache qu'il parle comme dans le Roger Rabbit, là, le bébé dans Roger Rabbit qui avait une voix de... Oui, c'est-à-dire que dès que les parents arrivent, ils font n'importe quoi comme des bébés, et puis sinon, ils font un plein de bataille. En vrai, on aurait des enfants, on n'aurait pas d'enfants, on n'irait peut-être pas le voir, donc on va passer plus vite que la vie passe. La rage du démon, Dimitri, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un documentaire avec Alexandre Aja et Christophe Gans. Ah. Puis bon, déjà un film s'appelle La rage du démon, j'étais obligé de le choisir. Hein. C'est pas faux. Et en fait, c'est un documentaire sur un film muet qui était perdu et qui est parfois attribué au cinéaste Georges Méliès et qui provoquerait de violentes réactions chez ceux qui le visionnent. Donc voilà, ça m'a intrigué un peu. Je pense que je le verrai jamais parce que ça sera jamais diffusé dans mon petit cinéma de Nancy. Mais bon, peut-être qu'un jour ça va être sur Netflix. Mais t'as pas peur que ça soit... C'est un documentaire. Ouais, mais t'as pas peur que ce soit un peu chiant le côté « je parle d'un objet qu'on verra jamais » Parce qu'en fait, c'est ça. Le film a été perdu, donc on parle. Il y a des gens qui témoignent, qui ont vu le film à l'époque, etc. Mais on voit rien. Ouais, c'est ça. C'était génial. Voilà, c'est Tarantino qui m'a mis dans le documentaire encore. Ce film m'a mis une claque. T'as pas peur de ce côté-là, Dim, où on parle de quelque chose qu'on verra jamais? Attends, j'ai pas trop compris ta question. Parce qu'en fait, on parle d'un film qu'on a perdu, en fait. On le voit pas, ce film-là, personne l'a vu. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ça peut être un peu bizarre, quoi. Genre, ouais, il est vraiment bien. En tout cas, on va dire, le principe même du documentaire, ça m'a bien intrigué, quoi. Donc j'ai quand même bien envie Pourquoi de le voir. Pas, non, ouais, c'est peut-être sympa. J'essaierai un de ces quatre, quand même, de le trouver, ce documentaire. Ton oncle d'Amérique le trouvera, je suis sûr. Ouais. Est-ce que, en fait, ce que tu disais, Dim, c'est que toi, tu le verras pas le documentaire, c'est qu'il passe pas dans le cinéma. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a quand même encore au cinéma, quand même, Orpheline qui sort le 29 mars. Oui, moi je l'avais mis. Ouais, j'ai mis ça. Oui, en fait, ça a pas l'air génial. Pourquoi? Ça a l'air chiant. Hein. Bah, pour les actrices. Parce que voilà, moi je vais plutôt voir les films pour les réalisateurs, mais si je ne connais pas le réalisateur. Comme Baywatch. Excuse-moi, mais il n'y a pas Alexandra Daddario dedans. Non, mais il y a la double Adèle. Double Adèle. Avec donc. La double Adèle, la fameuse. Il y a aussi Gemma Arterton qui va. Oui, Gemma Arterton aussi. Qui est une bonne actrice, qui a des grands jeux. Oui, parce que le principe, c'est en fait une même femme qui va être incarnée par quatre actrices différentes à différents moments de sa vie. Donc on a une à 6 ans, 13 ans, 20 ans et 27 ans. Donc 27 ans, c'est Adèle Haenel qu'on avait vu dans Les Combattants. Ouais, et 20 ans, c'est Adèle Exarchopoulos. Merci beaucoup. Exarchopoulos. Celle qui a un nom de méchant de Tintin. Putain, c'est Exarchopoulos. Voilà, qu'on avait vu dans La vie d'Adèle de qui est chiche, hein, qui a l'air toujours de faire la gueule, c'est un peu la nouvelle Béatrice Dalle. Quand tu la vois en interview, tu te dis putain, mais pas bien quoi. Et mais voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne actrice. Et voilà, c'est juste pour ces deux actrices là que j'aime bien. Mais ça n'a pas l'air génial. Par contre, j'ai vu la bonne annonce au ciné et les actrices qui font donc le personnage à 20 ans et à 27 ans, je trouve qu'elles ne se ressemblent pas du tout quoi. C'est les deux Adèles. C'est les deux Adèles pour le coup, ouais. 27 ans, c'est Adèle Haenel. Ouais, c'est vrai qu'elles se ressemblent pas des masses, hein. Elles ont même pas la même couleur des yeux. Je suis pas sûr que ce soit le but. Ils s'en foutent en fait. Ouais. Ah oui, ils s'en foutent. D'accord, c'est métaphorique un peu quoi. Bah, un peu comme ce qu'avait fait, c'était Todd Solondz qui avait fait le Dylan là. Ouais, c'est ça, oui, d'accord. Où tu voyais, voilà, tout. C'était Todd Solondz qui avait fait ça. Non, je sais plus. C'était pas Todd Solondz. T'as compris. Je sais pas. T'avais Kate Blanchett qui jouait un Dylan. Oui, voilà. Mais c'était pas à différentes époques de ce... celui qui a fait Deadman. Là. Alors ça, je sais plus. Je vous laisse chercher et je passe la parole. On est lamentable. Elohim qui avait sorti un. Alors Elohim, à chaque fois il triche. Il nous met des sorties DVD. Ouais, nous... bon. Qu'est-ce qui sort en DVD là que tu nous conseilles? Non, mais là c'était vraiment pour trouver un truc. J'ai regardé les sorties directes au DVD. Et c'est une ressortie des films Ninja 1, 2, 3 qui ont introduit la mode des films de ninja aux États-Unis en fait. Ça c'est voilà. Et bah, en fait, le Ninja 3 vaut le coup d'œil. Je vous conseille pas de l'acheter en DVD, mais si vous tombez dessus en VF, il est marrant. Il y a quelques scènes sympas. Voilà, c'est un monument juste pour le côté. C'est des productions Canon et les premiers films de ninja aux États-Unis en fait. Mais c'est pas pareil que American Ninja avec Michael Dudikoff, c'est pas cela. Hein. Ça c'est arrivé après. C'est arrivé après. Ouais, Dudikoff doit sa carrière à cette série. Et quelle carrière. Ah, et quelle carrière. Et quelle carrière. Donc dans les bacs, il y a encore des ninjas moustachus dedans. Ouais. Dans les bacs, il y a 5 euros d'Auchan comme Didi, peut-être Ninja 3 qui sort donc le 29 mars en DVD, le 5 avril. Pas des masses de trucs non plus, les gars. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien trouvé. Hein. Bon, il y a quand même les mauvaises herbes que t'as mis. Non, c'est... Moi, je l'ai mis, mais je crois que tu l'as mis dans le j'ai rien mis, moi, je n'ai rien trouvé. Alors, les mauvaises herbes. Mais je l'ai juste mis parce que c'est un film canadien et que j'adore les films canadiens. Ah. Et que ça a l'air drôle. Bah oui, moi, ça me fait rire. Depuis Starbucks, je me dis que j'adore les films canadiens. Eh ben, écoute. Et donc, c'est un film canadien, tu t'as envie de tenter. C'est une comédie, hein. Ouais, c'est une comédie. Les mauvaises herbes. Ça a l'air légèrement décalé, ça a l'air drôle, ça me dit bien. Voilà. Bon, okay. Comme il n'y a vraiment rien cette semaine, je me dis pourquoi pas. Je trouve que vous êtes un peu dur, il n'y a rien. Il y a quand même Dimitri qui a sélectionné quelque chose. Ouais, alors là, je vais pas vous parler d'herbe, mais ça risque quand même d'être mauvais. C'est Power Ranger. Ah non, putain. Et j'avoue que je l'ai sélectionné aussi, c'est pour faire une petite dédicace à Yao, hein, tout comme Ghost in the Shell. Bien sûr. Je l'imagine, on va dire, prendre le métro et voir les affiches de Ghost in the Shell et Power Ranger et en train de rager. Rien que pour ça, je remercie l'existence de ces films. Il va y aller. Power Ranger, il va, je suis sûr. Et si, bah, quand même, Elohim nous a encore trouvé quelque chose quand même pour le 5 avril. Alors qu'est-ce que c'est? Ouais, mais pour le coup, c'est plutôt un bon film qui est en direct DVD aussi chez vous. Je crois qu'il est sorti au ciné dans le coin. Ouais. Est-ce que vous connaissez le réalisateur qui s'appelle McDonough, mais je ne sais plus son prénom, qui a réalisé The Guard et Calvary? Pas du tout. Non. Ça ne vous dit rien du tout? Moi non. Calvary, okay. Ça me dit quelque chose. Calvary, ça me dit quelque chose aussi, mais juste de nom, hein. Ouais, c'est un des plus récents, je crois que celui qui est sorti avant le film dont je vais vous parler. Je vous conseille The Guard, qui est super bien par contre. Calvary est sympa, mais il est très noir. The Guard, il est assez humoristique, il est vraiment cool. Ça se passe en Irlande et c'est un flic un peu perdu dans son truc. Et il y a un gros arrivage de drogue dans le coin et il doit faire face à ça avec ses moyens du bord et il ne se laisse pas décondenser. Et le film qui sort là en direct ou DVD en France, c'est War on Everyone, ça s'appelle. C'est un film de cop, de buddy cop, quoi, buddy movie comme d'habitude, assez classique, sauf que c'est vraiment des gros cons. Et ils terrorisent tout le monde, s'ils sont véreux au possible. Je vous conseille d'y jeter un œil parce qu'il est sympa, les dialogues sont bien. Il y a pas mal de caméos rigolos dedans, d'acteurs mineurs, mais qui sont très drôles. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa. Bah écoute, on regardera ça. Donc War on Everyone, c'est le 5 avril. Je crois que ça s'appelle Au-dessus des lois en France. Je sais pas si sous quel nom c'est sorti. C'est pas très bien choisi ça. Au-dessus des lois, ça Michael Peña, Théo James. Le téléfilm du dimanche, Au-dessus des lois. Ça fait un peu film sur TF1 effectivement, ouais. Bon bah voilà qui va conclure un petit peu les 15 prochains jours au ciné et le podcast finalement, ouais. Hein, après ces longues heures à parler ensemble. Non, j'espère qu'on n'a pas trop dépassé. Non, Oh là là, je sais pas si il est pas si long que ça. Je crois que c'est un des plus courts qu'on ait fait. Ouais, c'est vrai, c'est la fatigue. Hein, allez, chacun refait. Alors on refait un conseil. Allez, c'est la partie. Je sais pas pourquoi tu nous as pressé là. Oh, tu t'es senti un peu pressé? Un petit peu. Oh, qu'est-ce que j'ai regardé? Je voulais faire. Ah, on nous fout la pression. Mais oui, je voulais faire. Tu sais, ouais, à part Zelda. Je voulais faire toute l'histoire du rock psychédélique anglais. Là, mais tu l'as déjà fait dans tous les autres. J'ai essayé une série coréenne sur Netflix pour essayer, mais en fait c'était nul. Ah ouais? Ouais. C'était quoi? Je me souviens même plus. Attends, une série coréenne. Bah, j'essaye justement, je me dis. Iron Fist, non? Non. Ah non, ça a l'air vraiment nul ça pour le coup. C'est pas trop réussi, je crois, Iron Fist. Pareil. Non, j'ai regardé les premiers, c'est pas bien. Ouais, voilà. Je sais pas. Non, mais Dim, tu veux quand même nous le défendre là. Tu peux pas laisser dire les gens que c'est pas bien. Je vais pas défendre ce que j'ai pas encore regardé. Hein. Sur le principe. J'en ferai peut-être un de ces quatre, une critique si je regarde. Un conseil. Bon bah du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Upcast @upcastfrance hein, sur Twitter. Venez plutôt aussi sur upcast.fr. Hein. Vous avez compris que là, non seulement il y aura des superbes commentaires de nos éditeurs, mais en plus, vous pourrez retrouver la liste de 113 projets qui sont des reboots, etc. La liste en plus que Elohim a passé pendant le podcast de plein de films qui sont en fait des reboots qu'on ne savait pas que c'en était. Et en plus, il y a un jeu à gagner. Je sais faire monter la sauce, moi, Snipperclips, un code exclusif généreusement donné par Julien. Voilà, hein, c'est pas Nintendo. Non, c'est Upcast, hein. Upcast, qui après avoir acheté un code, voilà, on sera pas comme la dernière fois. Où j'ai dû envoyer un amiibo au Canada, ça m'a coûté 75€. Ça, c'est mort. C'était pour Elohim? Non, c'était pas pour Elohim, je crois. Ouais. Je sais plus. Bon, bref. Alors. Non, on a plein d'auditeurs dans le monde, tu sais, c'est comme ça, on est très connus. Ouais. Je pense que les gens se déplacent au Canada juste pour recevoir. Ils le font livrer là-bas, tu sais. Non, j'habite en France, mais je préférais le recevoir au Canada. Ça te coûte super cher. Connard. Nos auditeurs nous détestent. Là, c'est juste un code, donc ça va directement par mail, on va l'envoyer. Donc premier à mettre un message, voilà. Tu voulais vraiment jouer à Snipperclips, hein, si c'est juste pour le revendre à quelqu'un. Si vous avez une Switch, ça vaut le coup d'essayer quand même. Oui, bah ouais, c'est super bien. Ouais. Ah, si c'est pour le revendre, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. Ah, parce qu'on est quand même assez sympa. Non, mais c'est pour ça qu'au début, je voulais faire que quelqu'un envoie une photo de sa sinon, Switch. Sinon, après, tu demandes par Twitter une preuve de la photo. Ah, oh, ouais, ça va, on va pas super. On va demander des photos de nos éditeurs sympas. Tu vois le truc avec écrit Upcast sur une feuille. Tu voudrais des photos de nos éditeurs, Stan? Non, mais que de temps en temps, on va faire un concours et ils doivent nous envoyer une photo sympa. Ah oui, d'accord. Pas de leur fesse. Pas comme ça, je veux dire, pas, non, pas pour non, voir non. À quoi ils ressemblent. Non, d'accord, ok. Non, mais je veux me débarrasser de ce code de Snipper. C'est vrai, alors il traite chez moi. C'est la vraie excuse, en fait. Non, voilà, donc, non, mais c'est en plus un très bon. N'hésitez pas à participer. Du coup, le prochain podcast, c'est vers le 15 avril. Oh là là, bah attends, parce que moi, je suis en vacances. Mais oui, c'est pour ça. Tu pars 10 jours, là? Ah, au moins 15. Ah, donc c'est après le 15 avril. Je reviens le 17, donc ça va être compliqué. Donc on se retrouve en... On est en ligne, là. Ouais, enfin, ouais, on est en live. Ouais. On se retrouve fin avril hein, pour le prochain podcast. Carrément. En attendant, ouais. On va se quitter avec de la musique. Mais on t'envoie parce qu'on t'envoie à l'étranger pour nous faire des choses. Vous pouvez m'envoyer des amiibos pendant que je suis à l'étranger. Il y en a qui ont la belle vie. Hein. Ouais, c'est ça. Tout le temps en vacances, celui-là. Et donc, on écoute Foxygen, hein, c'est ça? Foxygen, ouais, c'est le morceau qui s'appelle America. America, justement. Voilà, America fuckier. Juste pour toi. Juste pour moi. Spéciale dédicace à moi-même. On se retrouve dans plus de 15 jours, du coup, vous l'avez compris. Ouais. On ne sait pas encore avec qui, on ne sait pas de quoi on parlera, mais on sera là. À bientôt à ça tous. Donne envie. Salut. Salut. Salut tout le monde. Bye. When you're dead.